20 secondes. C'est le temps qu'il met pour faire l'amour. Plus long, c'est chiant. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Oui, on est là. Merci d'être avec nous sur Énergie. La semaine prochaine, Big Flo et Oli seront nos invités. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas. Vous aurez le Big Flo et Oli la semaine prochaine. Arrêtez de jouer avec ces buzzers. C'est pour vous. En... La denrée. Non, qui joue encore? Bah, devine. C'est toi qui fais le relou jusqu'au bout? Il est mais bon. Jusqu'au bout? On n'atteint pas de micro, on t'entend pas. Laisse. Sur mon ordinateur. Oui, que d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? Je travaille. Il y a des hashtags ou pas? Arrête de te pencher, il n'y a plus de micro, excuse-moi, mec. Excuse-moi, quand est-ce que tu parles dans un micro, toi, un jour? Quoi? Quand est-ce que tu parles dans un micro? Oh là là, t'es pas pro, hein. T'es pas pro, mec. Alors moi, moi, de mon côté, j'ai trop de micros. On dirait une conférence de presse. Ah, monsieur Coé, une question. Oui, bien sûr, oui. Pensez-vous vous présenter au présidentiel? Fake news. I don't like CNN. Fake news, vous êtes la honte. Vous valez pas mieux que lui. Pas mieux. Fake news. Rendez le micro, fake news. Benoît, vite tard, ça va, Benoît? Ça va et toi, Coé? Salut toute l'équipe. Salut Benoît. Benoît, nous allons parler jeux vidéo, on va terminer avec toi. C'était la journée mondiale des jeux vidéo. Alors, on a dit tout à l'heure, on a eu tout. On a eu ma femme m'engueule, ça fout en l'air mon couple. On a eu. Je suis tout seul, mais je suis heureux, j'ai bossé l'anglais grâce aux jeux vidéo. Voilà. Et alors là, on va partir côté sentimental. Est-ce que tu as trouvé l'amour grâce aux jeux vidéo? Exactement. J'ai trouvé l'amour en jouant à Black Ops de Call of. Black Ops? Black Ops, tu veux dire? Oui, Black Ops, ben oui. Black Ops. Donc sur Call of. T'es en train de me dire que tu joues à un jeu que t'arrives pas à prononcer, c'est super ça. Sur PS3. Ouais, tu devrais essayer Pac-Man, c'est sympa. C'est l'émotion de vous avoir. Pac-Man, j'adore ce jeu. Pac-Man. Je trouve ça très sympa. Bon, et donc, comment t'as rencontré ta chérie? Sur Black Ops. Eh bien, si tu veux, je jouais, et puis vu que tu joues avec les micros et que tu parles, il y a eu une voix féminine dessus. Et donc j'ai commencé à parler avec elle. J'ai jamais fait ça. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait on habitait dans la même commune. Ah. Et donc si tu veux par rapport à ça, vu que je suis très bon à Call of, l'ayant tué plusieurs fois, j'ai dit pour mes parties, je t'inviter. L'ayant m'étant acharné sur son corps et l'ayant trucidé et explosé aux mille coins de la map, je me suis dit tiens, peut-être l'invité. Si on se rencontrait. Je l'ai buté 12 fois, je peut-être l'invite à boire un verre. Et si tu veux, je lui ai dit pour m'excuser de tout ça, je peux t'offrir un verre. Elle a accepté. Et donc on a fait connaissance. Tout ça en ligne avec les mecs qui disent excusez-moi les gars, ça vous dérangerait de draguer plus tard que... Parce qu'on joue, on vous entend. Alors, question. Alors, j'ai jamais joué en ligne. Situation, on s'en fout. J'ai jamais joué en ligne. Quand on joue en ligne, il y a combien de personnes avec qui on parle? Alors, sur PlayStation, en fait, maximum 8. D'accord. Ah, quand même. Mais c'est des gens que je connais pas. Non. Non. Moi, je joue avec des gens que je connais pas. Ouais. Tous les soirs. Non, je les connais. Tu as intérêt de jouer en ligne, tu vois. Autrement, tu vas aller voir dans un bar et puis tu joues avec eux, quoi. Faut que j'essaie ça. Et sur. Mais faut que je trouve le bon jeu. Si c'est pour mourir à chaque fois au début, tué par quelqu'un, ça va me saouler. Tu voudrais pas qu'on fasse un jeu tous les trois avec Miko? On te met sur un jeu. Quand vous voulez. Mais c'est quoi que tu veux faire? C'est un Call of, un truc comme facile, ça? Facile, en version débutant qui n'ont que deux doigts. Mais sinon, vous vraiment un truc, je sais pas s'il existe. Ça. Super Mario, hein. Si, le Tamagotchi. Super Mario, ça existe. Oui, Benoît. Si tu veux, t'as Pac-Man en ligne maintenant. C'est hyper simple, hein. Il suffit de manger des fantômes. Il y a Pac-Man en ligne? Ouais, sur ordi. Ouais, non. Mais quel intérêt, tu joues, il n'y a qu'un Pac-Man. Mais sinon, pourquoi vous vous appelez pas au téléphone direct? Parce que tu peux pas jouer, t'es en ligne. T'es en ligne? Eh, arrête de faire ton vieux con, toi. Voilà, on dirait les parents qui parlent. Bah alors, tu pourrais appeler tes copains. Le vieux con, ça fait des années que tu dis que tu veux jouer avec eux, tu le fais mais jamais. Parce que tu le moi, j'ai un autre problème. Il n'a pas le câble. Je lui ai acheté le câble pour son anniversaire. Là, il peut pas dire. La dernière fois que j'ai joué avec mon fils à un jeu vidéo, la manette, elle a traversé la pièce. Voilà, mais toi t'es trop mauvais joueur. Mais bien sûr, faut pas. Pas patient. Il faudrait que je joue à Black Ops, mais quand ils sont déjà tous morts. Est-ce que c'est possible que tout le monde fasse le nettoyage avant et j'arrive à la cool, balade? Non. En fait, je veux juste gagner. Faites les morts. Ah, mais vraiment. Vous voyez quoi? Vous tombez, vous faites. Ah. Mais j'ai très envie. Je voudrais bien essayer. Mais franchement, tu joues tout seul et puis tu te crées des amis imaginaires, comme ça tu seras. Ça va pas. Ma vie n'est pas si déprimante que ça quand même. Voilà. Mais Benoît, je te jure, j'ai envie d'essayer. Donc t'as rencontré ta copine, tu l'avais jamais vue, tu l'as rencontrée pour de vrai, à quoi elle ressemble? Eh bien, à une jolie femme que j'adore et que j'aime de tout mon cœur. Et pour la petite histoire, tu vois, maintenant on est mariés. Oh, bah ça c'est ouf, bien terminé. Ça, voilà. C'est bien. C'est super bien. Donc si tu veux, tu rencontres une femme qui joue à Call of, tu la maries de suite. D'accord. Ouais. On attend de la voir d'abord. Non, mais si en plus elle est jolie, vous vous êtes plu, tu lui as plu, vous vous êtes marié, c'est mignon. Exactement. Oui. Ah, bravo. Ouais. Bravo. C'est comme quoi, vive les jeux vidéo. Et si vous avez un garçon, appelez le Game Boy, sympa. Ah, vous m'avez dit. Ouais, mais ça marche que pour un garçon. Ben oui, ben une fille, tu l'appelleras oui. Game Girl. Oui. Mais ça marche pas, Game Girl, putain! Mais ça me dit pas de bêtises! Hey, mais pourquoi t'as 4 micros, mec, là? Bah quoi, mais il va dupliquer! Bon, je vais terminer cette émission sur de l'ultra-violence. Heureusement qu'on est en week-end. Hein. Je pense que Black Ops va être de la gnognotte par rapport à ce qui va se passer dans ce studio. Round 1, fight! Heureusement qu'on est en week-end, mes gars! Mais incroyable! Comment tu tapes sur le truc? C'est fou. Tu parles en même temps en plus? Oui. Quatre micros, ça marche. Mais t'es agaçant, hein, Bordas. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous le voulez pas dans votre association? On termine avec vous. Ils ont dit non. Prenez-le. Ils ont dit non. Mais si. Mais je suis gentil. Bah, emmenez-le dans. Je pense qu'il y a des régions du monde qui peuvent avoir besoin d'un Bordas. C'est vrai. Non, je crois pas. En Ille-et-Vilaine, si. Il peut faire de l'humanitaire. Hein. Il peut faire de l'humanitaire. Ah, il serait bien, hein, je vous assure. Hein. Non, voilà. Et par contre, revenez sans lui. Vous voyez, c'est ça le but. Voilà. Faut le laisser là-bas. Voilà, ne prenez pas de retour. En plus, c'est économique pour l'association. Prenez qu'un aller. Donc, alors, on va reparler à Charlie. Donc, les gens qui veulent parler à l'association, ceux qui étaient venus nous voir ce soir, que des jolies filles, des étudiants, ils sont tous là, ils sont très bien. L'association, le nom? Pardon? L'association, le nom? L'association, c'est Aide Mondiale ISC. La date à retenir, c'est mercredi 13 février pour le concert caritatif. Voilà, on sait pas encore qui y aura dedans, mais sachez. Qui vous avait demandé? Je peux peut-être vous aider. Qui vous avait demandé? Vous avez peut-être pas de réponse. Qui on a demandé? Les events. Fianso. L'artiste. Ouais, l'artiste. Soul King. L'artiste, il vous a dit quoi? Il vous a dit quoi, l'artiste? Il vous a dit bonjour déjà? Pas de réponse encore. Il n'y a pas de réponse pour le moment. D'accord. Qui d'autre? DJ Dream. Soul King. Soul King? Ouais. Ouais. Donner des artistes, des beaux artistes. Là. Dadju. Dadju, ouais. Ah, Dadju. Hein, Maître Gims. Ah oui, d'accord. Alors, je crois que Aya Nakamura, elle est dispo. Ouais. Aya Nakamura, on prend. Mais tu prononces mal son nom, elle te démonte la gueule. Elle te prend la tête, elle te l'envoie dans un pays lointain. Donc. En général, en règle générale, tous les artistes qui sont chauds, qui pourraient nous aider dans la cause, qui sont touchés par le projet. Bon. De manière générale. Ah, je vais demander un ou deux. Je connais un peu l'artiste et tout. Je vais essayer de. On a ça. Ça coûte rien. Merci. 41. On verra bien. Sinon, c'est Bordas en live. Non. Mais je suis chaud. En plus, je rappe un peu. Je suis un peu dans le rap game. Vas-y. Fais une impro tout de suite. Fais une impro avec Vendredi. Vendredi, ok, regardez, okay, moi je me balade. Aujourd'hui c'est vendredi. Et comme c'est pas lundi, je vais manger des raviolis. C'est bon, vous avez Bordas. Passez un bon week-end. Je vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show, 6ème étage, tout là-haut. Je vous embrasse, les amis. Nous, on revient lundi avec de nouvelles aventures. Big Flo et Big. À la compagnie du Café Théâtre. Venez nous voir, vous allez kiffer le nouveau Wellman. Bisous, bon week-end, ciao. Coé revient lundi sur Énergie. 3, 2, 1. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show sur Énergie. Super content de vous retrouver pour fêter le week-end ensemble, les amis. On va faire un point sur le Black Friday. Je vais me faire passer pour un patron dans une minute et je vais appeler les enseignes pour savoir si ça a vendu ou pas. Vous allez voir, hein, je serai le PDG de chacun des magasins qu'on va parcourir là au fil des minutes. Ça va, Sarah? Bonsoir à tous, ça va benoîtement, Rico. Et oh là là, j'aime bien, elle est sage, c'est le week-end. Oui. Lui ne sera pas sage ce week-end, c'est le tombeur. Ça va le tombeur? Eh ben écoute, en pleine forme. Hein. La boîte à questions est de retour et je sais que t'as pas mal de questions pour les filles. On tentera d'y répondre pour toi. Hein. Je me mets du côté des filles ce soir. 0800 70 42 48. Du bon son puisque Dadju arrive. Open back. On aura Drake aussi. Et on aura aussi le génie français avec nous, JM. Merci, oh là là. Ça va, mon JM? Ça fait plaisir, Rico, et toi? Écoute, je suis en grande forme, on a un VTC dingue aussi avec Malik, hein, qui accueillera son client. Ce soir, il est voyant, et donc on va tenter de permettre aux prédictions d'être réelles. Hein. Vous allez voir, il va y avoir un parcours complètement ouf, on va se régaler, que des délires toutes les 15 minutes. C'est le week-end, on est en kiff, et parlons tout de suite de ce bail du jour. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui les amis, c'est le Black Friday. Alors, est-ce que c'est une énorme arnaque ce DOS-là? Ou est-ce que c'est vrai, vous avez fait des bonnes affaires, Sarah? Alors c'est une arnaque par rapport au rabais proposé. Pour D'accord. moi, moins 20%, c'est pas le Black Friday des États-Unis. Ouais. C'est toute l'année à la limite, ça sert à rien. T'es vénère. Vénère de la journée, t'as fait un peu les magasins, tout ça. Ouais, j'ai rien acheté parce qu'il n'y a pas assez de rabais, j'ai pas les moyens. Bon, ok, Sylvain. Ouais, bon, pour moi, c'est le Black Friday, moi. Ouais. Bah ouais, je te dis, c'est une arnaque. Ah, le blague, parce que lui, black et blague, c'est pareil, d'accord. Ah ouais, mais c'est une arnaque. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des malins, ils gonflent les prix. Ouais. Et en fait, ils te mettent des soldes, mais alors qu'à la base, le prix il est plus haut que d'habitude. C'est ce que dit UFC Que Choisir, hein, en deux mots. Hein, effectivement, vous avez des gros rabais, mais en vérité, c'est truqué. Il n'y aurait que 2% de rabais sur les téléviseurs, par exemple, hein, d'après l'étude, et 1,8% sur les ordi. Alors dites-nous les bonnes affaires ou pas. 0800 70 42 48. JM, bonne affaire ou pas? Mais évidemment, tu vois pas qu'ils sont jamais contents, Sarah et Sylvain. Ouais, c'est 20%, c'est pas assez. Quand tu vas voir des marques et tout ça, ils sont déjà bien, bienveillants de te faire une réduction et vous n'êtes pas encore contents. Ouais. Oh, les amis, vous n'êtes jamais contents. Ils sont vénères. Ils sont vénères. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, on m'a dit que ça n'a pas trop marché. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire passer pour le PDG, tiens, d'une enseigne. On va démarrer par Sephora. Allez. C'est monsieur Delapointe. D'accord? On les a appelés, on a dit monsieur Delapointe risque d'appeler. J'appelle et puis on voit si ça a fonctionné. Allez, on va sur le terrain ou pas? On vérifie si vous avez acheté aujourd'hui. On y va. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Delapointe à l'appareil. Pourrais-je parler à Delphine? Delphine, c'est le PDG pour toi. Monsieur Delapointe, c'est le PDG. Merci d'avoir patienté, Delphine, à votre écoute. Bonjour Delphine, monsieur Delapointe à l'appareil. Comment allez-vous? Oui, ça va et vous? Je suis enchantée de vous avoir au téléphone. Pareillement. Alors les chiffres, on a fait les chiffres aujourd'hui? Non, pas du tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oui. Bah, il se passe que nous avons des gilets jaunes qui nous ont bloqué toute notre galerie. Donc moi déjà j'ai mis une demi-heure à rentrer dans le magasin en fait. Vous allez faire quelque chose. Vous allez munir chacune des vendeuses, d'accord, d'un crayon, vous savez, d'un crayon à lèvres ou d'un crayon pour les yeux. Vous allez affûter la pointe, d'accord. Oui. Et vous allez leur dire de vraiment tenir ce crayon avec elle. Et puis comme ça, la pointe de la pointée. D'accord. Elles penseront à moi. Non mais c'est vrai, elles penseront à moi tout demain. Ok, ça marche. Et la pointe, elles devront la toucher de temps en temps, hein. Il faudrait le mettre dans une poche ou quelque chose. Comme ça, chaque fois qu'elles toucheront la pointe, elles diront de la pointée, hyper du blé. Ok, ça marche. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Et ben, je leur passe le mot du coup, il n'y a pas de souci. Vous me faites ça dès demain, 9h au brief. Allez, merci. Okay. Merci, allez. Bonne journée. Au revoir Delphine. Au revoir. Elles vont être bien, les nanas chez Sephora. Allez, Dadjou jaloux. Et puis on parle des événements là, qui se sont passés justement autour du bail du jour, autour de ce Black Friday. Il y a eu pas mal de relous et pas mal d'altercations. Et Vanessa a fait une petite tricherie. Vous allez voir, elle a fait le 0800 70 42 48. Et puis derrière, je vais appeler moi aussi un magasin de sport. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que Sephora. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, il n'y a pas d'histoire, de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler? Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. En famille y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment que je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par s'exposer. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. monde sait que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je suis jaloux, je suis jaloux. Ouh. Même si j'ai confiance en toi. Allez, Rico Énergie pour nous suivre sur Snapchat, les amis. Et puis, on est en train de parler de ce Black Friday. Pour Sarah et Sylvain, mauvaise affaire. Pour JM, top affaire. Oui. Il y a quand même des promos. Vous êtes les gueulards de l'équipe. De toute façon, Sylvain, Sarah, on n'en peut plus. En tout cas, il y a eu des débordements, les amis. Notamment, il y a un Américain qui a fait plusieurs problèmes. Puisqu'en fait, il piquait dans les caddies les promos existants. D'accord. Et après, en fait, il a révélé que c'était une caméra cachée. Mais nous, on a notre Vanessa Nationale qui a taxé quelque chose. Vraiment. C'est pas très glorieux, elle nous le raconte, elle est là. Ça va Vanessa ? Salut Rico, salut l'équipe. Salut Vanessa. Tu la sens déjà mal avec elle-même. Hein. Elle a fait 0870-42-48, elle habite Dunkerque. Qu'est-ce que t'as fait Vanessa ? Alors, pardon. Donc je suis très très heureuse, mais je suis très très honteuse aussi. Vas-y, raconte. En fait, hier, j'avais repéré un sac à main. Ouais. Et je l'avais caché dans le magasin. D'accord. Oh là là. Normal. Et aujourd'hui, en arrivant, je l'ai pas retrouvé. Ouais. Donc j'ai cherché dans le magasin et j'ai vu un petit garçon qui avait ce sac dans ses mains. Oh non, pas le gosse. Apparemment il attendait sa maman, il était seul. Oh là là, il avait quel âge? Il avait 7 ans je crois. 7 ans, d'accord. Ouais. D'accord. Et donc mais je dis mais c'est pas possible, il a pris mon sac. Ouais. Donc je vais le voir, je fais ça va, j'étais tout seul. Il dit non, j'attends ma maman. Ah, oh non. Je fais mais t'as pas faim? Oh non. Alors il me dit. Ben, je sais pas. Alors, j'avais un Kinder Bruno dans la poche. Oh non! C'est pas ça. Elle lui dit, tu le veux? Oh non! Oh oui, je le veux. Alors, il me le prend. Il dit, ah, mais avec une main, ça va pas bien. Maintenant, je vais tenir ton sac. Oh non! Il est parti en courant. Quand il m'a donné le sac, il a commencé à rire le Kinder Bruno, qui me suis sauvée. Oh non, Vanessa, c'est pas beau. Il a dû se faire gronder par sa mère derrière, Vanessa. Mais ça va. Me le fallait, techniquement, il était à toi le sac. Techniquement, elle l'a caché hier. Nous, c'est ce qu'on fait la veille, on cache les vêtements. Ouais. Techniquement, il alors était si à je toi. Cache une meuf avant ma nouvelle meuf, techniquement, elle est à moi avant la première. Bah, écoute, je vais cacher de la meuf, moi. Hein. Je vais me retrouver des petits trésors. Mais c'est horrible. Il doit être traumatisé, ce pauvre garçon. Arrêtez. Ah bah ouais. Quand même. Ah ouais. Il a même pas réagi. Donc, il a mangé son Kinder Bruno. Moi, je me suis sauvée, j'ai payé, je me suis barrée. Hein. Je pense qu'il mangera, il en mangera plus jamais. Hein. Ah ouais. Là, c'est terminé. Bravo Vanessa. Je me suis sauvée, hein. Bon, Vanessa, merci pour la confession. On t'embrasse à moitié. Bisous, ouais. Vanessa. Ciao. N'hésitez pas à nous raconter votre Black Friday 0870 42 48. Apparemment, premier magasin, c'était galère. Il n'y a pas eu les chiffres chez Sephora. Ouais. Ah, là, on va appeler un magasin de sport, on vérifie s'il y a eu les chiffres. Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Je me fais passer également pour le PDG de l'enseigne. Vous avez vu, ça marche très bien. Une voix grave comme ça, c'est le PDG. On vérifie s'il y a eu les ventes. On y va, magasin de sport. Damien, responsable textile, bonjour. Oui, bonjour Damien, monsieur Ségur à l'appareil. Comment allez-vous ? Ça va très bien, et vous ? Impeccable. Alors, on a fait les chiffres aujourd'hui ? Plus hier, là, on a un petit problème de fréquentation cet après-midi. On a travaillé pas mal ce matin. Maintenant, aujourd'hui, on accuse une baisse de fréquentation. On ne va pas tout mettre sur le dos de la pluie, mais... D'accord, merci voilà, pour le point météo. Non, de rien. Du blé, hein. Ah non, on va chercher le NAT, on va chercher le taux de transfo. Il faut y aller, on secoue tout le monde. Hein. Demain, vous savez, moi, d'antan, ce que je faisais, je venais avec un épi de blé, hein, et je le mettais dans la poche de chacun de mes vendeurs. Et c'est ce que vous devez faire. Demain, vous allez me chercher un épi de blé, vous leur mettez, et comme ça, sans cesse, hein, Dès qu'ils mettront la main à la poche, ils sauront qu'ils doivent faire du blé. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ouais, c'est pas mal, ouais, on est d'accord. Demain, vous mettez du blé dans chaque poche de tous vos vendeurs. Est-ce qu'on est d'accord? Allez, ouais. Demain, les pieds de blé pour tout le monde. Allez, merci. Ouais. C'est un malade. Il va le faire, le gars. Ah, ouais. Il va le faire. Ça marche pas dans les magasins. Ouais, c'est chaud. Vous avez vu, ça, ça tire la tronche. On a plus de pognon. C'est le 22, on a plus de pognon, les gars. Mais c'est clair. Sûr. Moi, je mets ma carte bleue quand c'est Black Friday. Ouais. Elle me lave direct. Ah ouais, c'est vrai. Bah, elle est au courant, elle te la rend le lendemain. Et puis, j'ai vu, il y a carrément le Crédit Agricole qui envoyait des messages pour des crédits à la consommation. Ah ouais. Donc, ouais, il faisait la pub Info Crédit Agricole Black Friday, Crédit Conso. N'hésitez pas pour plus d'infos. Les mecs font des crédits spécialement pour la journée. Non, et moi, j'étais à Jennifer cette après. D'habitude, Jennifer, ça cartonne la boutique. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est pas mal. Ouais. Oui, bah oui, Jennifer, je m'habille chez Jennifer. Et en fait, les clients c'est se plaignaient. Un truc de 12 ans. Ah, mais non. Et les clients se plaignaient en caisse parce qu'il n'y avait pas assez de rabais, que déjà Jennifer, ça coûte pas cher et que là, les rabais qu'ils proposaient, c'était du 5 à 10%. Il y avait embrouille, en fait. Ah, il y avait embrouille. Grosse embrouille en caisse. C'est comme là, il y a un mec qui a pété un plomb au States, ce qu'il a fait, il a sorti le fusil parce qu'il n'avait pas de place pour se garer. Wow. Non, mais sérieux, il a tiré en l'air, les mecs se sont barrés, il a dit hop, c'est bon, j'ai une place, merci tout le monde. Allez, on se fait le canyour. Allez. Allez, c'est parti. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canyour, le canular du jour sur Énergie. C'est tout nouveau, c'est inédit, c'est l'appel vol à l'étalage. Papy Rico est rentré à la maison avec sa douce, Mamie Rico, ouais. Et il avait volé des objets. Du coup, Mamie Rico a appelé le siège, elle a dit voilà, mon mari est venu avec des objets volés, je suis sûr qu'on l'a aidé. Apparemment, c'est la vendeuse de votre enseigne. C'est donc, ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler l'enseigne, on va réunir la vendeuse, le couple Papy et Mamie Rico. Oui, oui, on va se plaindre, on va pas se laisser faire comme ça. Et on va confronter le vieux couple à la vendeuse. Oh, qui mord, qui a raison, on va créer un bordel dans le magasin. C'est en énorme. Plus, c'est Black Friday. On va se régaler. C'est énorme ce qui va arriver. Et puis, il y aura les news. Je vais vous parler d'une jeune femme qui s'est mariée. Elle savait son futur mari infidèle. Oh, oui. Elle a fait quelque chose en plein mariage. Franchement, ça vaut de l'or. Ça n'a jamais été fait. Et c'est une barre de rire. Franchement, pour aller en week-end, cette info, il vous la faut. Vous allez la raconter à tout le monde. C'est énorme. Toute petite pub. Et on revient sur Énergie. Il y aura aussi le VTC de la peur avec Malik. Ce soir, il est voyant. Et croyez-moi que ses prédictions vont être bien réelles. Salut, c'est Manu. Il est petit, il est court, il est simple. Et pourtant, il vous rend dingue depuis 15 jours, tous les matins à 8h30. Le son à 10 000 euros. Le son à 10 000 euros n'a toujours pas été trouvé. Mais j'en ai marre. Lundi, je ne quitterai pas l'antenne tant qu'il n'aura pas été découvert. Annulez tout ce que vous aviez prévu, j'ai 10 000 euros pour vous lundi, c'est sûr. Oui, allô? Ouais, Manu, c'est Koé. Je démarre à 17h, moi, normalement. T'auras fini? Oui, je pense, ouais, parce que tu voulais pas préparer ton émission pour rien, quoi. Préparer? Il a dit préparer, les gars. Le son à 10 000 euros sera trouvé lundi et on compte sur vous. Énergie. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, oh, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Oh, mais merci, mon chéri, merci. Oh non, ne me remercie pas, remercie free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigas octets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc? Chez Leclerc, tu as 50 euros de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non. Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 Tera Marvel Spider-Man. Bénéficiez de 50 euros de remise immédiate plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299 euros au lieu de 408,90 €. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Pour le Black Friday, But vous offre 50 euros en bon d'achat à partir de 200 euros d'achat sur tout le magasin et même sur les produits en promo. En ce moment chez But, c'est le Black Friday. 50 euros en bon d'achat offert des 200 euros d'achat. Voir conditions en magasin. Black Friday, vendredi noir. Tu regardes quoi? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Hein. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais? Pas toi? Ouais, c'est chaud. À la radio comme à la télé, les contenus violents, on doit les éviter. Vas-y, raconte. Sinon, il faut en parler. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Oh, oh.

foutus du tout puisqu'on va confronter le couple de personnes âgées à Meryl. Ok, on les amis, et on va faire la lumière sur cette sombre affaire. C'est parti, c'est on y va. C'est l'appel vol à l'étalage. On y va. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. Je le arrache là. Oui, allô. Oui, madame. Bon. Ouais, je suis un peu stressée, mais bon. Bon, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer les personnes âgées, d'accord ? Hein, elles vont être là eh bien à nos côtés, hein, et puis comme ça on va pouvoir s'entretenir pour voir un petit peu qui dit quoi, d'accord. Alors j'ai madame Jacquin, sa femme, qui est au bout du fil, qui est la femme du vieux monsieur. Bonsoir madame Jacquin, vous êtes là? Oui, bonsoir. Oui, oui, je suis avec Meryl, hein, oui, la prétendue employée qui aurait aidé votre mari à sortir des objets volés, à savoir une paire de chaussures notamment. Oui, une pompe à vélo. Très bien. Bonsoir. Oui, Meryl. Bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, mon mari atteste sur l'honneur. Bon, c'est vrai qu'il n'a plus toute sa tête. Avoir volé, en effet, je les ai vus, la pompe à vélo, la paire de baskets, avec votre complicité. Il n'aurait pas pu le faire tout seul de toute manière. Alors, je ne sais pas comment il a pu trouver votre prénom. J'aimerais des explications. Bah oui, moi aussi, je ne sais pas. Aujourd'hui, tout s'est bien passé. Enfin, il n'y a aucun souci pour moi. Et puis, je suis quelqu'un de clean. Enfin, je veux dire... Est-ce que vous pouvez nous passer, monsieur, alors, madame? Chérie, viens. Allô? Oui. Oui, monsieur. Ah, Meryl, comment allez-vous? Ben, ça va, très bien. Ah, c'est vous que j'ai eu au téléphone, on s'est vu? Oui, peut-être, oui. Ah oui, d'accord. Merci pour les chaussures et la pompe à vélo. Comment ça? Comment ça, les chaussures, là? Oui, c'est elle qui m'a aidé. Meryl? Mais je vous ai aidé en quoi? Vous m'avez dit, passez, elle a le dos tourné. Mais n'importe quoi, vous dites, mais n'importe quoi, franchement. Allez-y, mais moi, personne ne verra, vous êtes un vieux monsieur, je vous ai parlé. Mais n'importe quoi, monsieur, arrêtez-y vous, 5 minutes. Vous êtes un vieux monsieur, allez-y, je comprends aujourd'hui dans quelle souffrance vous êtes. Mais n'importe quoi, mais franchement, n'importe quoi. Vous avez même fait un petit bruit, je vous ai vu, vous avez fait tomber un objet, tout le monde s'est tourné, vous m'avez dit oust, oust, oust, oust. Mais n'importe quoi, mais enfin, mais... Meryl, c'est vrai ce que dit le monsieur? Ouais, enfin, voilà, moi, vous appelez comment? Moi, j'aimerais bien savoir votre nom. Monsieur, Jacquin. Mais c'est n'importe quoi, franchement. Vous êtes passé quand, alors, en caisse? Est-ce que vous reconnaissez le monsieur, Meryl? Sincèrement. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez, vous, Meryl, de votre côté? Parfaitement. Ah, ça oui, c'est elle. Moi, je suis une personne clean. Des gars comme ça, là, ça me fait pas rire. Non, mais attendez. C'est pour ça qu'on fait la confrontation, Meryl. Attention, passez-nous Caroline. Oui, elle voulait que je parte également avec les barres protéinées. Elle m'a dit que ça me ferait du bien aux os. Ouais. Bon, ça m'a l'air d'une histoire un peu alambiquée. Bon, à prendre avec des pincettes, ce témoignage. Hein. Je vais pas mettre à feu et à sang un magasin pour une personne qui dit vague. On reproche. Calmez-vous, madame Jacquin, calmez-vous. Je me calme, on reproche à Meryl, d'accord? Parce que mon mari, qui a un certain âge et plus toute sa tête, n'aurait pas pu inventer ce prénom, d'accord? Donc on reproche à Meryl de l'avoir aidé. Allô, à madame, voler. Oui, madame, monsieur, oui, bonsoir. Vous pouvez me repasser les personnes du siège, s'il vous plaît? Juste me laisser parler avec les personnes du siège. Oui, mais attendez, moi je suis révoltée, là. Et arrêtez. Est-ce que vous pouvez me dire de où vous appelez? Celui qui vous la met à l'envers. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Comme le roi Dagobert, il a la culotte à l'envers. Voilà, d'accord, vous appelez de où maintenant? Bon, je vais vous dire. Vous êtes en direct sur Énergie. Je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous êtes dans Rico Show. Ouais. On n'a pas de problème avec vous, nous. Oh non. Tout va bien, monsieur. Apparemment, c'est la radio. Allô? Oui, monsieur. On vous embrasse, en tout cas, on fait plein de bisous. On va vous faire un petit cadeau, vous raccrochez pas. À très vite. On a mis un bordel là-dedans. Elle y est pour rien, notre Meryl. C'est une vanne. Eh, j'adore papier, mamie Rico. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Hashtag Rico Show sur Énergie. Et il faut absolument que je vous parle de cette nana. Son futur mari l'a trompée en plein mariage. Elle s'est vengée. Et c'est juste énorme. Your neon skirt bands are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. Oh, I never ever had a love like that. Oh, you're bringing along the California vibe. Yeah, you impersonating everything I like. Oh, no. Comment je kiffe ce son là! Oh là là, on a envie de sortir, c'est le week-end sur Énergie et c'est l'heure des news! Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Eh oui, les amis, du très très lourd! On va parler justement d'une personne qui allait se marier, une jeune femme, et qui s'est vengée de son mari, infidèle. Énorme, énorme histoire. Tiens, on va prendre Nicole qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Nicole? Salut Nicole de Bayonne. Est-ce que tu aurais été capable, toi, Nicole, d'aller jusqu'au mariage alors que tu te savais un peu trompée et avec un mari infidèle? Franchement, ouais, je pense. Je pense, j'aurais fait la misère le jour du mariage. Ah ouais, t'aurais dit non devant le curé, t'aurais fait un dos. Ou devant la personne, devant le maire. Non, mais c'est vrai, Sarah, tu serais allée jusqu'au mariage, toi? Mais jamais de la vie, surtout qu'un mariage, c'est une organisation de dingue. Tu te tues, en fait. Tu tues tes forces. Donc jamais, pour un minable comme ça, je tuerais mes forces. Se make-uper, aller chercher la robe, inviter tous tes proches pour lui mettre l'afficha. Parce que tu lui mets l'afficha devant ses proches à lui. C'est ça. Devant les tiens aussi, t'es pas bien. JM, tu le ferais, toi? Moi, j'irais jusqu'au bout du mariage. Genre, tu vois, jusqu'à minuit, quand tout le monde est pompé, tu prends le micro du DJ, tu fais. Ouais. Et au fait, les gars, franchement, elle me fait cocu depuis 6 mois, je le sais. Tu niques tout le mariage, tu vois. Horrible. Au moins, tu as passé une bonne soirée, tu as fait la fête et tu lui mets la misère. Un vrai mariage Cendrillon, à la fin, à minuit, tout le monde est citrouille. C'est ça, c'est terminé. Sylvain, t'aurais fait quoi, toi? Ah, moi, jusqu'à la lune de miel. Ouais. Ah, ouais, je crasse la lune de miel, t'imagines? Ah, ouais, c'est vrai. Attends, tu pars aux Seychelles, je sais pas où là. Aux Seychelles. Ouais, enfin bon, bref, tu connais. Ouais, jusque. Ouais, il lui aurait pris son blé, lui, et puis après, derrière, séparation des biens. Ah, ouais, tiens, ouf. 2 mois de mariage. À ce que je sache, en fait, un mariage, c'est pas gratuit, donc vous avez les moyens. La personne vous trompe et en plus, vous raquez le mariage. Mais si tu l'apprends 3, 4, 5 jours avant, le mariage, il est payé, ça. Ça l'angoisse. Ouais. Toujours est-il que la nana, ce qu'elle a fait, les amis, c'est qu'en fait, elle a réuni toute la famille. Nicole, si ça peut te donner des idées. Un jour, t'es mariée, toi, Nicole? Non, je suis en couple, mais. Écoute, on va adresser un avertissement à ton conjoint. Nicole serait prête à faire comme cette jeune femme australienne. Elle a décidé de se venger. Elle a lu à voix haute les sextos échangés entre son futur mari et sa maîtresse. Et ce qui devait être le plus beau jour de leur vie s'est transformé en véritable cauchemar. Wow. Et c'est tout ce qu'il y avait avec. Hein. Wow. C'est chaud. Genre, viens me voir sous la couette, je suis bouillant. Elle a étalé tout ça. Elle a fait un diapo, pas avec les photos, mais avec les messages. Oh, il y avait le WhatsApp derrière. C'était le grand bonheur. Non, mais t'imagines, sa maîtresse, elle est carrément dans l'église. Ah, ouais. T'imagines, elle sort. Ouais, salut les gars, c'est moi. Est-ce que Brenda peut venir au pupitre? Elle aurait pu le faire. Elle aurait pu afficher tous les SMS. Ouais. Tu sais, quand tu balances un petit film avec les photos, tu sais, à l'ancienne et tout. Ouais. Et là, le balance aurait été énorme. Elle aurait pu mettre les SMS sur les nudes. Ouais. Pour faire une légende, pour habiller un peu le délire. Allez, je vais vous parler également d'une personne qui était jugée en état d'ivresse. Et vous allez voir comment il est arrivé au tribunal. On va s'amuser de cette situation un petit peu pédale. Franchement, le gars n'a pas compris la leçon. Non, mais c'est énorme. C'est énorme ce qui s'est passé, les amis. On va en parler tous ensemble. Le VTC de la peur arrive avec Malik. Tiens, Malik qui est en studio et qui va nous en parler dans une seconde. Ça va, Malik? Ça va, Rico? Prépare-toi, on va y aller, mon frère. On va se faire kiffer. VTC de la voyance ce soir. Oh là là. Et on va te crédibiliser dans tes prédictions. Ça va être énorme avant d'annoncer que t'es recherché sur Energy. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui coffe. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. rien c'est déjà trop. Tout me semble faux quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle, si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne, donne, donne, je te le donne. Je te le donne. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là. Content de vous voir vous amuser là. Hashtag Rico Show sur Énergie au standard 0870 70 42 48. Bienvenue si vous nous rejoignez. On se fait plaisir. On est en week-end. Ça y est, on va kiffer. Puis si vous bossez demain, on vous donne plein de courage jusqu'à 23h. Et on parle de tout ce qui a fait l'actu aujourd'hui, notamment avec Nicole, ma Nicole de Bayonne. Nicole, ça se passe bien à Bayonne? Parfait. On y vit bien. Hein. Je passais cet été dans le coin, c'est sympa Bayonne. Non, ah mais oui, c'est vrai. Ah, je fais les fêtes de Bayonne, c'est super. Fêtes. Ah ouais, je me suis éclaté. Non mais c'est vrai, c'est, oui, oui. C'est un bonheur. J'adore cette ville. Alors Nicole, il y a une personne qui a été jugée pour conduite en état d'ivresse et le gars est arrivé complètement sous à l'audience. C'est pas une vraie. C'est-à-dire que le gars, il allait se faire juger pour sa conduite. Donc tu sais, tu te fais petit. Ouais. Tu te dis, le gars, il va dire, bon, c'était une fois, j'ai déconné, j'ai pas vu, je me suis laissé embarquer. T'essaies de raconter une fête. Mais quand le gars, il arrive à l'audience, qu'il est bourré, tu dis, le gars, faut lui enlever les clés. Parce que même pour son jugement, il est pas prêt à être sobre. C'est ça grave. Fait flipper, sérieux. Peut-être qu'il était en train de décuver du moment où il avait été arrêté. Tu sais, oh, c'était 6 mois après. Ah, merde. Le mec, je sais pas ce qu'il a vu. Mais là, avec modération, les gars. Non, mais franchement, hein, c'est pour ça qu'on faisait tous, pour vous dire, les gars, doucement, ça peut vous amener très loin. Et puis là, le gars, il a pas su s'arrêter. Non, on peut dire que c'est une preuve bien chargée, quoi. Ouais, bah là, hein, là, là, je peux te dire que là, ça se sent. Non, mais c'est un petit peu comme un mec qui est chopé pour deal et qui deal dans une salle, quoi. Ouais. Tu vois, c'est, qui demande au juge ce qu'il veut, tu vois. Un mec qui recèle des objets, puis il dit, tiens, il m'en reste un, t'en veux un? J'ai vu que t'adores les petites chemises en lin, il m'en reste deux. Non, mais c'est vrai. C'est... Tu sais que moi, ça me fait rappeler une histoire. Il y a genre 6 ans, je faisais un petit stage, tu vois, bénévolement à la SPA. Ouais. Et une nana est quand même venue adopter un chien avec de la fourrure sur elle. C'est pas un manteau de fourrure à la SPA. Je veux le même que la fourrure. Touché, je veux qu'il soit doux pareil. T'imagines le dos. J'aime pas, moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir une nutritionniste, mais il est allé le voir avec son sachet du McDo. Tu sais, il a dit, non, vous foutez de ma gueule, c'est ou quoi pas. Je te promets que c'est vrai, il devait mieux manger, tout ça, tout ça. Excusez-moi, j'ai faim, je peux manger pendant la nuit. T'as déjà fait un truc contradictoire, toi, comme ça, Nicole, ou ça va, t'es plutôt sage? Non, moi je suis très sage comme fille. Ah bah oui, ah. On le sent. On sent. Est-ce que déjà il t'est arrivé à Nicole à Bayonne de ne pas manger de jambon de Bayonne? Tiens. Ah non, bah non, c'est la base. Ah bah voilà. Ah bah voilà, il est bon le jambon de Bayonne, hein, Sarah. Mais moi j'ai fait les fêtes de Bayonne, j'ai pas mangé de jambon, je mange pas de jambon. Ah ouais, bah et je oui. Me suis éclatée aux fêtes. Eh bah c'est une erreur. Tu vas goûter. Tu vas goûter. C'est inadmissible. C'est une honte. D'ailleurs à Bayonne, quand tu rentres pour être certifié, ils t'attendent avec le jambon. C'est-à-dire qu'il faut le mettre sous la langue, hein. C'est terrible, Sylvain. Et la saucisse de Bayonne, elle a. Oh non. Ah bah attends. Oh non. Elle a déjà goûté ou pas? En tout cas, le couillon de Paris, on le connaît. Allez les amis, on se met Drake sur Énergie et puis on va parler d'un dos qui arrive à l'école. Vous êtes de plus en plus à faire ça. Et puis il y a une histoire complètement ouf autour d'une valise. Non. Oula. Mais c'est vrai, la compagnie a pardonné. Non mais je suis halluciné. Le vol était en retard. Le gars a fait un truc de ouf avec sa valise. On aura aussi le VTC de la peur de Malik. Malik est déchaîné ce soir. Il est un voyant qui va faire des prédictions et on va les réaliser. Drake sur Énergie. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. 'Cause I want you and I need you and I'm dying. down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump, that confirmed it. Track money, Benny, I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny, I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in the cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your net worth? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. Yeah, and I'm down for you always. Yeah. And I'm down for you, down for you, down for you always. Allez, il y a Chétan qui dit « Salut Rico, je suis sur l'île Maurice et je kiffe ton émission, bravo à toi et l'équipe. » Alors si même le diable nous kiffe, c'est un bonheur. Et Wassim dit « Ça va être de la frappe, encore une belle émission ce soir. » Oui, puisque le VTC arrive. Malik, t'es prêt pour ton VTC? Je vois un insalubre petit abruti qui s'appelle Sylvain Potard en face de moi. Ferme-la. Et oui, Malik est voyant et il va nous faire des prédictions sur son parcours et on va s'attacher à le prédire. Il y aura notamment une vieille dame qui va traverser. Merci d'être là, Sarah. On va crédibiliser tout ça, ça va être énorme. Et puis on allumera la radio, on l'annoncera recherché. Et croyez-moi, il va se crédibiliser sur la voyance pour mieux faire flipper le voyant, ouais, sur ce qu'il voit. Ça va être énorme. Les amis, on poursuit nos news le temps que Malik aille récupérer son client. Ouais. Ok, Malikus. Ouais, j'y vais, go. Vas-y, tu fonces mon petit Malikus. Et puis Nicole, je t'avais promis une news d'enfer. Ma Nicole, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être en retard pour un vol et de péter les plombs? Alors, je n'ai jamais pris l'avion, mais la première fois que je vais prendre l'avion, et les crèves est passée et je suis devenue folle. Ah, du coup, t'as jamais pris l'avion à cause d'une grève, c'est ça? À cause, c'est ça, c'est ça, au moins c'est gilet jaune. Oh là là, mais c'est pas eux. Non mais c'est ouf cette histoire. Du coup Nicole, pas d'avion. Putain, t'as vraiment la poisse. Le premier jour où tu vas le prendre toi, ne le prends pas. Réfléchis à deux fois, hein. Reste sur terre toi. Reste sur terre. Mais c'est ça en fait, c'est ce que je me suis dit, je vais rester sur terre, en fait, je vais prendre la voiture. Ah, t'imagines, 28 ans, tu vas pour prendre ton vol, t'es comme un ouf, la grève, ça veut dire que là, vraiment, il faut pas que tu prennes le vol. Là, c'est interdit. Eh ben, le gars était tellement vénère. Il a mis feu à sa valise, car son vol était annulé. Il a pété un plomb, il a foutu le feu pour réveiller tout le monde. Je suis vénère, machin, le gars a pris un briquet, là, il a tout brûlé. Et le pire, c'est que la compagnie aérienne a dit, je cite, on décide d'oublier et de pardonner l'incident qui s'est produit. C'est-à-dire que eux, ils savaient qu'ils étaient tellement à la ramasse, ils ont dit, les gars, on oublie, ça va nous faire du tort. L'autre, il a juste brûlé sa valise, quoi. Mais c'est nul, cet acte de manifestant. Brûle pas ta propre valise à toi, en fait. Brûle celle des autres. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais compris les mecs dans les quartiers. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai grandi dans un quartier. Je comprends pas pourquoi les gars, et je m'adresse à vous, quand vous voulez faire les cons sur des trucs, déjà, ne brûlez pas des voitures. Et de deux, pour les nouvelles ans et tout, pourquoi vous brûlez les voitures des darons? Il y a trois voitures dans le quartier qui marchent, les autres, elles sont en réparation. Et vous les prenez pour les cramer. Le lendemain, vous êtes à pattes pour aller à l'école, les gars. Je comprends pas votre délire. Non mais c'est vrai. Pourquoi tu descends en bas de chez Watt pour cramer ton truc? Ah, dans les beaux quartiers, quoi. Ah ouais, ben bah, oui, faites un truc, quoi. Les gars, en plus, ils ont des assurances. Non mais c'est vrai. Ouais. C'est comme par exemple saccager ton immeuble, ton propre immeuble, l'ascenseur, etc. J'ai jamais compris. Je comprends pas. J'ai jamais compris. Non mais c'est un truc. Il y a deux trois trucs comme ça qui me dépassent. Non, mais là, ça me dépasse. Je n'en peux plus. D'ailleurs, en parlant de choses qui me dépassent, ça y est, ça vient de tomber. Dans les écoles, on mord de plus en plus. Ouais. C'est pas une vanne. Heureusement que Pasteur a inventé le vaccin contre la rage. Ah oui. Je vous le dis. parce que là, ça va plus du tout. Ouais. Ça mord de tous les côtés et de plus en plus de profs sont mordus. Voilà, on aimerait qu'ils soient mordus de conjugaison, les gosses, mais ils sont mordus des profs. Mais non, mais c'est vrai que ça commence en crèche. Moi, mon petit, il est venu avec une morsure sur son poignet. C'est ils se mordent entre eux. Je te jure. C'est pas des animaux, même, vraiment. Et apparemment, c'est à cause des films et des dessins animés qu'ils regardent. Ils ont dû trop regarder Dracula. Ah bah, c'est ça. J'imagine. Non, mais il n'y a pas assez à bouffer dans les cantines. Hein. J'ai toujours dit ça. Il est trop celui-là. Nicole, merci d'être passée. On te fait plein de bisous, ma Nicole d'amour. Merci, bonne soirée. Ciao Nicole, tu repasses quand tu veux, on s'est régalé avec toi, on va te faire un petit cadeau. Les amis, le VTC de la peur arrive, c'est maintenant. Malicus est au volant. Imaginez la scène, vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, Malik est voyant ce soir et ses prédictions vont se réaliser pour qu'il puisse mettre mal le client en lui présentant des choses complètement folles. T'es prêt, Malik? Ouais, je récupère mon client là. Putain, il pleut en plus. Ah bah écoute, très bien, ça t'aide pour la voyance. Ouais. Une boule mouillée. Tu n'as pas vu venir la pluie. Il est bon celui-là. On s'écoute un nouveau son, les amis, ça vient de sortir là, c'est Gam-Gam. Il paraît qu'on chante ça dans les crèches. Il paraît que c'est énorme. Non, mais c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, on a fait un remix, écoutez. Votre radio préférée. Vos hits préférés. Ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone. I made no promises. I can't do golden rings. But I'll give you everything. Black Friday. En français, se dice c'est discount. In French, we say c'est discount. En français, je s'appelle c'est discount. In francese, si dice c'est discount. Et voilà, Black Friday, en français, on dit c'est discount. Le meilleur du Black Friday, c'est maintenant sur c'est discount. C'est discount. N'économisez pas votre plaisir. Du 22 au 26 novembre, Black Friday, vendredi noir. La 4G est illimitée chez Free? Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Et c'est les seuls dans un forfait à 15,99€ par mois. Offre soumise à condition, réservée aux abonnés Freebox avec mobile 4G en France métropolitaine. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Mais non. Mais si. Énergie, Hit Music Only. Avec Muse en concert. Muse est enfin de retour en France avec le Simulation Theory World Tour les 5 et 6 juillet à Paris. Le 6 juillet est déjà complet. Le 9 à Marseille et le 16 à Bordeaux. Info et réservation énergie.fr alias-production.fr et point de vente officiel. Nouvel album, Simulation Theory, déjà disponible. Muse, en concert. Un événement énergie. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc? Chez Leclerc, tu as 50€ de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non. Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1TB Marvel's Spider-Man. Bénéficiez de 50€ de remise immédiate plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299€ au lieu de 408,90€. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Allez les amis, c'est le VTC. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Eh oui les amis, il est de retour, Malik, pour un VTC de la peur spécial voyance. Il a des visions au volant et vous allez voir que les flashs viennent et surtout se crédibilisent, puisque sur le parcours on a mis des copains du Rico Show pour crédibiliser tout ce que Malik voit afin de faire flipper le client, puisque Malik après il va lui prédire des choses complètement catastrophiques. Il allumera la radio, on l'annoncera recherché, vous êtes tous très contents que le VTC soit là, hâte d'entendre le VTC, nous dit Laurine, VTC de ouf pour Amélie, et puis merci l'équipe de me faire passer un bon moment tous les soirs. Eh bien, on t'aime, notre Sandra qui commente hashtag Rico Show sur énergie. On se connecte avec Malik, ouais, qui est déjà avec son client. C'est parti. Non, t'inquiète, c'est chaud. Ouais, ça m'arrive d'avoir des petites visions, c'est ce que je me disais, tiens, vu ta tête, après c'est une humeur, hein. Je me suis dit, toi tu dois être étudiant, tu vois, et pas, regarde, comme par hasard t'es étudiant. Quand je t'ai vu, moi je me suis dit que t'étais VTC. Ah, toi tu joues sur l'humour toi. Ouais, je suis VTC, mais je suis aussi je joue beaucoup sur la voyance, quoi. Je vois beaucoup de choses, quoi. Ouais, ça m'arrive souvent, ouais. Ouais, mais bon. T'as des bonbons vite fait, juste. Ouais, prends, c'est dans la. Juste à côté. Oh putain, on a un client en Black Friday, hein. Ah, ouais. Il a payé sa course, il veut du bon mec, hein. On dit, hein. Et voilà quoi, hein. Mais, ouais, dis-moi, attends. Putain. Là je vois un truc là. Je te fais une petite démo. Hein. Je vois un truc. Là, je vois qu'il pleut là. Je vois qu'il pleut dehors. Oh non. Ouais. Là, je te jure, je vois qu'il pleut là. Juste, tu me prends pour un con en fait. Non, je te jure, ça marche vraiment. Non mais là c'est vrai, je te prends un peu pour un con. Par exemple, regarde, attends, on va faire un essai. Excuse-moi, juste. Tiens, je vais allumer la radio. Regarde, je vais allumer la radio au bout d'un moment. Et tu vas entendre le son de Aya Nakamura. Tu connais Ayana. Fais pas genre, tu sais pas. Copine. Le son copine. Ouais, je vois. On va l'entendre. Vas-y. Regarde. Il a coupé, les amis, on se connecte. Mais ça passe tout le temps au fond, arrête de faire. Non, mais t'as vu ou pas? Ouais, j'ai entendu, j'ai pas vu. Mais c'est un truc de ouf ou pas? Ouais, mais ce son, il passe en boucle partout. Tu vas dans n'importe quelle soirée, t'entends Aya. J'en ai marre d'ailleurs. Oh là là! Oh putain! Révolté, on a un fan, toi, là! Ouais. Vas-y, mets un gilet jaune contre Aya! Mais quoi, t'as dit quoi? Tu veux pas être juste VTC, arrêter ta voyance, s'il te plaît, je vais être tranquille. Bah, ouais, si tu veux. Attends, regarde, attends, je crois que j'ai un petit truc là. Attends. Oh putain, attends, non, chant! Oh, ça me fait une crise, ça me fait un bug comme un bug dans la tête! Je crois qu'il y a un bug à la radio. Vas-y, bah, allume. On va faire un bug. Je crois qu'il y a un bug à la radio. Regarde, je vais allumer. Peut-être je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans la DN. En raison de la panne d'une antenne relais en Ile-de-France, Radio FM est dans l'indisponibilité de diffuser ses programmes habituels. Veuillez nous en excuser. En attendant le retour à la normale, nous vous proposons de vous relaxer avec le chant des oiseaux. Il a coupé la radio, il se crédibilise, hein. Aya Nakamura, puis le bug, ça y est, je pense qu'il va commencer à y croire, là, ouais. On se connecte. Il y avait un bug à la radio. C'est quoi ta merde là? Vas-y, tu joues avec la radio, t'appuies, y a pas vraiment de bug. Mais il y avait un bug, t'as pas entendu le cri des oiseaux et tout là? Ouais, bah, mais tu fais, c'est quoi la blague? Ça m'a fait mal. Attends, tu me fais une blague, c'est quoi ton truc? Moi je paye, je te paye mon gars. Tu me ramènes chez moi, tu t'aides et tout, y a pas de non, voyance. Moi si je voulais avoir de la voyance, j'aurais payé quelqu'un. Tu fais juste ton taf de VTC, je te demanderai. Okay. Raison. Oh non. Oh, je refais une crise. Oh putain. Non. Non. Garde-le, Malik. Monsieur, c'est bon, je me calme. Malik va voir une petite vieille. Il la sent au prochain virage. Et sachez que Sarah est en place pour faire la petite vieille, n'est-ce pas, ma Sarah? Oui, il pleut comme vache qui pisse. Oh oui, du coup, je marche doucement. Très doucement pour pas glisser. D'accord, le passage piton est très très long. Merci, oh. Sarah. Elle est postée à l'angle de la rue et Malik va passer. Et là, c'est crédible, le bug. Aya, plus la petite vieille, on y est. Il finira avec des prédictions, figurez-vous, sur sa vie privée à ce client. Ça va être énorme. Jérémy Frérot, et puis on l'annonce recherché, évidemment. Ça, c'est la classique. C'est dans 5 minutes. à l'aube du grand tournant. Non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant. Tant de déjà fait, tous ces beaux paysages. Là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. Passer, penser à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Au revoir, alors je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. C'est de la peur. Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Eh oui, les amis, Malik est voyant. Il va se crédibiliser. Vous allez le voir déjà avec Aya à la radio, avec le bug. Bon, par contre, le client forte tête, hein, comme nous dit ouais. Elisabeth, hashtag Ricochot sur Énergie. À mon avis, lui, on va s'amuser. Hein. Le but, c'est de se crédibiliser pour faire péter un plomb à ce même client, puisque Malik, après, va prétendre connaître un petit peu sa vie privée. Hein, ouais. C'est l'idée. Et puis, à la fin, on l'annonce recherché. Il y aura la boîte à questions qui sera de retour dans la foulée. Et je vous lis la première question à laquelle on va répondre. Hein, c'est Johan qui dit: est-ce que vous, les filles, vous êtes obsédées par le sexe comme nous, les mecs? Je trouve ça pas mal. Et puis, il y a Maël dans la foulée qui dit: les mecs, pourquoi quand vous êtes devant vos potes, vous faites le macho et dans l'intimité, vous êtes des gros canards? Toutes ces questions, on va y répondre. Et il y en a pas mal qui sont assez rigolotes. Ça va fuser, c'est la boîte à questions. On se connecte dans le VTC avec Malik, qui est avec son client, qui semble pas des plus crédules. On y va. Ah, c'est pas m'emmerder, c'est me rendre ouf. Hein? C'est pas m'emmerder, c'est me rendre ouf. En fait. Bah, je suis désolé, mais bon, moi j'ai des visions, ça me fait mal à la tête, du coup je suis obligé de vous les dire. Hein. Bah, oui, mais je les dire pour moi, mais des fois si ça vous touche à vous, je suis obligé de vous les dire aussi. Hein. Et t'es jamais dit que t'allais être voyant à temps plein au lieu d'être VTC? C'est vrai que ça cloche un peu. Pourquoi il fait chier les clients? Bah, en fait, c'est pour arrondir les fins de mois, c'est tout, hein, rien de plus. Hein. Parce que j'aime mon métier de VTC aussi. Hein. Et t'as des clients de voyants, genre? Comment? T'as des clients de voyants, genre? Bah, des fois, j'ai des clients de voyants qui viennent ici faire le... Je les prends en client dans ma voiture. Ah, ouais. C'est des testeurs. Ouais, ouais. Oh, putain! Oula! Il a un flash. On dirait qu'il accouche, le mec. Je vois. Oh, putain! Aïe. Mais vas-y, regarde. Non, je vois une vas-y. Vieille femme desséchée. Une vieille femme desséchée, une larve. C'est je vois ça. Une vieille larve gambadée sur un passage piéton qui me ralentit la route. Une prochain vieille... virage. Prochain virage. Tu sais ça? Ouais, bah juste regarde parce que je crois qu'elle est devant en fait, ta pote. Ça va. Ah, non. Mais vas-y, ça, t'attends. Ah, une vieille, toute moche, ramollie par la vie. Oh, une bugne. C'est quoi une bugne? pomme. Oh, un gâteau, une bugne. Ah, merci. Un beignet. Oh, t'es une burne. Et on sait ce que c'est. Oh, oui, oui, ça. C'est Malik. Ah, je sens qu'elle est ridée. Ah, je sens qu'elle est ridée par le désespoir de l'amour. Mais quand est-ce qu'elle arrive, la vioque? Ah, bah, elle met du temps, putain, la petite. Hein. Là, je sens qu'elle est là. Là, je sens qu'elle est là. Oh putain, regardez. Regardez, monsieur. Oh là là là, mais putain, mais c'est ta pote, c'est ta grand-mère ou quoi? Vas-y, freine là. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en plus. Vas-y, bah, elle traverse. J'ai pas payé pour un spectacle. Là, j'ai payé pour que tu me ramènes chez moi. Bah, la dame passe, regarde. Oh, comme je repasse mon lacet. Oh non, elle est fait galère. Oh là là. J'ai mal aux genoux. Eh, tu te bouges la vieille. Oh, calme-toi, c'est Sarah. Pouvez-vous me faire mon lacet? Non, non, non. Eh ben, mets des chaussures à scratch, débile. Oh non. On se calme. Vous gredonne, je vous mets des coups de parapluie. Laisse-la, celle-là. Je vous casse, elle est complètement attaquée, cette pauvre femme. Quel voleur de cette banque. Vers la tête. Allez, allez, zap, zap, Malik, avance. Oh là là, mamie Sarah, là. Oh là là. Vous avez vu ou pas? Non, mais oui, bien sûr, j'ai vu. Mais c'est quoi ton délire à toi? C'est quoi? Je te dis, je suis voyant, tu vois, je suis avec toi ou quoi? Là, par contre, là, là on y est. Je commence à te le dire, là. Mais non, parce que tu comprends pas, putain, je te parle, on dirait que tu comprends pas. Je te dis, je vois des choses. Là, je vois des choses de ouf, par exemple, mais j'ai pas envie de te les dire parce que ça va te blesser. Oh non! Là, je vais te dire des choses, ça va te blesser. Alors fais pas le malin avec moi, putain, tu me prends, de haut là. Mais si je te disais que ta meuf elle est en train de te faire soutiller là, tu me dirais. Oh non, non, non, non. Malik va lui raconter tout ce qu'il voit concernant la meuf du client. Et à mon avis, là, il va changer de ton. D'autant que Malik, là, ça y est, il est crédible. Ah les gars, ouais, ouais. Attends, le bug, oh. Aya, la vieille, on a tout là, les gars. Grave. Derrière, on va annoncer que Malik est recherché. Mais là, Malik va lui infliger une torture en lui racontant des petites choses sur sa vie privée, à mon avis. On va rigoler et surtout, ça va monter d'un cran. Taki taki sur NRJ. Il y aura la boîte à questions derrière. Sur NRJ. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki, rumba. Prende los motores de Kawasaki. En la discota ya ni llegaron los Anonaki. No le va el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read. I'm like a wizard boy, but I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dancing on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up again. siento que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Malik est dans son VTC, il est voyant, il a tout fait pour se crédibiliser auprès de son client. Il a annoncé un bug à la radio qu'on a mis, on l'a crédibilisé. Kaya Nakamura était en train de passer, c'est fait. On a dit une petite vieille, c'est fait. Sarah est passée devant et c'était des plus crédibles. Maintenant, Malik est avec son client. Je crois que le client, ça y est, commence à le croire. Oui. Et il va essayer de rentrer sur sa vie privée pour l'angoisser. Derrière, flash info direct, là, dans deux minutes, l'annonce en recherché, puis on se fera la boîte à questions. Non, c'est parti, on se connecte avec Malikus. Pas joyeux, je vous le dis, c'est vraiment pas joyeux. Non, mais je te crois, c'est... Ouais, ouais, ouais. Voilà, non, mais je préfère pas te dire les choses. Il fait mal malin, là. Dis-les. Hein? Dis-les, ouais, je te fais confiance. Non, mais tu me crois pas depuis tout à l'heure que je te dis que je fais de la voyance. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je te crois. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Oh non! Oh putain, là, je viens d'imiter les cris que votre femme est en train de faire. Oh non! C'est une blague. Elle fait exactement les mêmes cris. Mais non. J'ai essayé d'imiter à la perfection, j'ai Oh putain, vous avez un ami proche qui, à qui vous avez pas confiance? Bah là, normalement, elle était avec mon... avec ma soeur, mais... Ah bah votre soeur aussi. J'entends votre soeur. J'entends votre soeur avec votre femme. Votre copine. C'est ça, c'est ça. Non, non, non, non, fais plus pas ça. Lâchez-la. Oh, ils sont trois. Non. Non, Manique. Ils sont trois, ta soeur elle est au milieu. Non, non, non, non, non, non, ta soeur est au milieu. Oh non, faut pas voir ça. Non, mais attends, faut que j'ouvre les yeux, putain, j'arrive pas à les ouvrir. Je vois ta soeur au milieu et t'as... Non, putain, ouais, c'est moche. Non, mais vas-y, c'est bon, c'est un peu gênant en fait. Juste, vas-y. Appelle ta meuf, tu verras, appelle ta meuf. J'appelle, vas-y. La vie de ma mère. Appelle là, tu verras, je sais pas. J'appelle. Oh là là, c'est dégueu. Je sais pas quoi, non. Oh, c'est moche. Non, non, pas comme ça. Puis tout à l'heure, il décrit la meuf du client, ouais. Voilà, qui est en train, soi-disant, de faire l'amour pendant son absence. Hein. Le client qui a été crédibilisé par tout ce qui s'est passé, persuadé que Malik est voyant, automatiquement, il y croit. Attention, il appelle ça, là, on écoute. Ça veut quoi, elle répond pas au téléphone? Ouais, non, elle répond pas. J'ai fait pourquoi elle répond pas? Vous avez une table de chevet ou pas à côté du lit? Bah, comme tout le monde, en fait. Le téléphone, il est posé dessus et il vibre tout seul. Les amis, c'est énorme. Il lui a annoncé de tout concernant la compagne du client. Pour l'instant, le client, en fait, il croit, il se dit non, mais tranquille. De toute façon, c'est des flashs. Ouais. C'est ce qu'il voit. Les amis, on va faire un flash info annonçant que Malik n'est pas voyant et qu'il prétexte être voyant en mettant des complices justement sur la route et en bidouillant un petit peu sa radio. Mais en fait, les amis, il est juste recherché parce qu'il kidnappe ses clients. Là, le client, je pense qu'il va vriller, les amis. On a un mec là qui est passablement énervé. Ça va être énorme. Derrière la boîte à questions, je vous l'ai dit, on répondra à des questions très précises sur les mecs, sur les meufs. Que du kiff, des délires toutes les 15 minutes, comme le VTC de la peur. C'est votre émission, le Rico Show sur Énergie, 20h-23h. Malik et son VTC, le flash info arrive. C'est maintenant, les amis, c'est maintenant. 3 minutes, on y va. Imaginez la scène, vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur, et c'est maintenant sur Énergie. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bonjour Clémence. Salut Manu, salut les ronins. Salut. Hello. Quel est ton petit toc au quotidien? Faut que je sois systématiquement en mouvement quand je suis au téléphone. Je peux pas ne pas bouger. Faut que je marche. Tu fais du sport en même temps, hein? Bah ouais, voilà. Pas mal. Et tu peux pas téléphoner aux toilettes du coup? Non. Si, mais c'est compliqué pour celui d'après. Manu dans le 6-9. Manu, allez. 6h, 9h30 sur Énergie.

VTC de la peur sur Énergie. Eh oui les amis, si vous nous rejoignez, bienvenue, vous avez tort parce que vous avez manqué franchement un délire de ouf. C'est le VTC de la peur et Malik est voyant ce soir. Et vraiment il nous a, mais alors, régalé. C'était un kiff, hein. Justement il a converti toutes ses prédictions, hein, grâce à l'aide de Sarah qui est de retour, oui. Qui s'est fait passer pour une vieille dame. C'est ça, il a pas l'air commode son client, ah, hein. Un ouais. peu nonchalant, j'aime pas ça. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs son client il est à bout, hein, puisque Malik, une fois qu'il a confirmé ses prédictions, eh bien il lui a parlé de sa vie privée et de sa meuf qu'il n'arrivait pas à joindre. Du coup il tourne en toupie et ça vous fait délirer là. Hashtag Ricochet sur Énergie, on lit tout. Salut Ayat, Laurine, Sandra, David, Caro, Elisabeth, Rémi, on lit tout. N'hésitez pas à commenter les copains, on est ensemble. Et puis 0870 42 48, la boîte à questions arrive. On a des questions complètement folles. Sylvain JM, ouais. On y va sur la fin du VTC. C'est parti. On y va, c'est parti, on se connecte. Hein ? Elle est comme elle est. Hein. Ouais, bah elle est comme elle est, mais après, votre copine, elle est pas. Après, en même temps, elle est pas très jolie. Voilà. D'après ce que j'ai vu. Hein. Ah, ouais, c'est pas bien. Avec ta tête, je suis pas sûr que t'arrives à voir mieux. Oh, j'adore. Il est saoulé, clair. Tu sais, ça, c'est un coup bas, ça. Ça, c'est un coup bas, et je peux te dire qu'elle en prend des coups bas, ta copine. Hein. Oh là là. Mais, juste, autrement, en fait. Et moi, je suis pas ton pote, moi, je suis ton client. Donc tu vas me déposer chez moi, encore une fois, j'en ai marre de me répéter. Juste, tu regardes la radio. Allume la radio derrière, Malik. Ok, je suis pas virulent avec toi, je m'en bats les couilles. D'accord, ok. Vas-y, fais ton taf. Oh là là, il est à point. Quand il va apprendre que les prédictions sur la meuf du gars sont fausses, parce que c'est un faux voyant. Mets de la musique, je sais pas, amuse-toi, fais tes trucs là. Fais ton truc de VTC, me prends pas la tête. T'as pas mal, je t'ai sauté. Oh non. Non mais je mets de la musique. Vas-y, redis encore, tu vas voir que je te monte en l'air. Malik. Ton coffre, ça va devenir ton habitation, ok. Mais il est malade. Bon, j'ai déjà habité dedans, ça va. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ça, c'est un manque de respect. Ouais, bah ouais, je te manque de respect. Tu manques de respect, toi. Ah non, ta femme aussi te manque de respect. Mais je m'en bats les couilles, ok. Bon, un manque de respect, on le sait pas. Je mets un peu de musique parce que. Ouais, vas-y, mets ta musique, mets ta musique. Ouais. Allume la radio, toi. Allez, Malik, allume. Allez, là, ça va péter un plomb avant le flash, mais il est dingue. Il le met à bout, il a peur de rien, celui-là. Vas-y, allume, Malik, on interrompt la zic, hein, au bout de 10 secondes pour faire comme si on fait un flash info. Top, Malik, t'y vas. Obligé d'interrompre la musique sur Énergie puisqu'on a une dépêche qui nous est parvenue. Toutes les radios sont confrontées à cette annonce. D'ailleurs, notre journaliste est en studio. On est désolé d'interrompre la musique. Sarah Cadour est là. Bonsoir, Sarah. Oui, bonsoir. Alerte, le faux voyant de l'Ouest parisien serait sur le point de faire une nouvelle victime. Ce criminel extrêmement dangereux, répondant au nom de Malik, se fait passer pour un faux médium à bord de son véhicule VTC de marque Citroën noir. Le but, déstabiliser ses clients afin de les conduire dans sa planque. Son mode opératoire est bien rodé. Grâce à l'aide de ses complices et de sa femme Sarah qui joue une vieille dame, toutes ses prédictions se réalisent. La victime finit alors par croire au pouvoir surnaturel de son agresseur. Il irait même jusqu'à apparemment bidouiller sa propre radio. Et le client serait en danger actuellement. Si vous le croisez, fuyez immédiatement. N'intervenez pas vous-même, ce client serait susceptible d'être kidnappé. Merci, merci Madame Cadour pour vos informations. On repart en musique sur Énergie. On écoute la réaction du client à l'intérieur du VTC. Puis après, en même temps, je vois. Mais ça, j'avais pas prédit ça. En mettant la radio, j'avais pas prédit qu'il y ait une annonce. Hein. Là, écoute-moi, tu vois ça ou pas ? Non. Tu vois ça ou pas ? Allume. Monsieur, c'est une blague. Vous êtes en direct sur Énergie. C'est une blague, monsieur. C'est une blague. Vous arrêtez tout. C'est une blague. Vous êtes en direct sur Énergie. Sarah et la journaliste. Elle était la vieille dame. Oui, c'est moi. Voilà, tout va bien, monsieur. Vous êtes en direct sur Énergie. Personne ne va toucher personne. Ça va, monsieur? Allô? Attends. Allô, j'ai perdu la connexion. Allô? Je capte pas. Allô? Arrête, Malik. Allô. Ouais, putain, j'ai eu peur. Ça va, Malik? Ouais, ça va. Ça, j'ai flippé, c'est pour ça que je t'ai dit rapidement, monsieur, c'est une blague. Mais j'ai compris, mais franchement, je sais. T'as un malade dans ta tête, toi. Oh là là, on va les laisser souffler, les amis. La boîte à questions arrive. C'est chaud là-dedans. On va avoir plein de questions à se poser les uns et les autres. Les amis, on va laisser souffler tout le monde, redescendre à la vie, à l'amour. Et puis on va prendre le pouls du client et on se posera les bonnes questions. Yoann demande, est-ce que vous les filles, vous êtes obsédés comme nous les mecs? Et puis Maëlle demande, les mecs, pourquoi quand vous êtes devant vos potes, vous faites les machos, alors qu'avec nous, vous êtes des gros canards? Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse. Ma maman dit de ne jamais oublier d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman dit laï laï laï laï laï laï laï laï. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. Dis maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Allez les amis, c'est l'heure de la boîte à questions. Vous venez les amis, vous amusez avec nous. Un seul numéro, il est dans le jingle. Vous écoutez bien, j'ai la flemme. On y va. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui, oui, oui, c'est vendredi, on est en week-end là. C'est grave. Mais je déconne, 0800 70 42 48. Vous venez les amis, un seul numéro pour nous rejoindre et kiffer. Je suis comme un ouf sur le VTC. On va prendre des nouvelles. Bravo Malik, super VTC. Malik savait plus où se mettre. Malik, ça va, hein, tout va bien. Ouais, bon, ok. C'est bon, il est détendu. Il avait quoi? Il avait quoi? Attends, excuse-moi, il est payé pour faire ça, lui? Ouais, je t'expliquerai avec des chèques resto. Hein. Allez, monsieur, on va vous offrir une TV LED. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Et voilà, bon. Black Friday. Tant mieux que Malik soit là en un seul morceau. Allez, la boîte à questions. Les amis, première question. Est-ce que vous, les filles, vous êtes obsédées par le sexe comme nous, les mecs? Est-ce que vous pensez au sexe plusieurs fois par jour? Nous demande Johan de 26 ans. Sarah? Alors non, car nous n'avons pas un sexe à la place du cerveau comme vous. Ah non, mais attends, on peut y penser, mais pas comme vous. Vous, en fait, tout est sujet à y penser. Vous voyez une nana, belle nana passer dans la rue, vous vous retournez. Avec vos potes, vous montrez des nudes entre vous. C'est vrai que tout est sujet à penser au sexe. Ouais. Pas comme nous. Pas comme toi. Bah non. Ouais, Sylvain. Non, mais tu demandes à elle, la meuf la plus frigide de toute la France. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bien sûr que si, toutes les meufs. On va prendre Lara au 0870 42 48. Ça va, Lara? Ça va, salut Rico. Salut ma poulette. Est-ce que toi, t'es obsédée par le sexe comme les hommes? C'est-à-dire, est-ce que t'y penses souvent dans la journée? Non. Moi, je suis comme Sarah. Ah, t'es comme Sarah, team Sarah. Alors attends, on va prendre Ludivine qui a fait le 0870 42 48. Salut Ludy. Salut Rico, salut l'équipe. Salut ma poulette. Alors, est-ce que Ludivine, toi, t'es obsédée ou pas? Ah oui, complètement. Ah, enfin, la vérité. Enfin, Ludivine, merde, on voulait l'obséder. Non, mais si, on n'aurait pas lâché la terre. Alors, raconte-nous ta vie, Ludivine. Alors, je suis complètement obsédée par le sexe, du fait que je trouve que c'est quand même une chose importante dans la vie. Ouais. Et que ça soit avec son copain ou avec une autre personne, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que dans un couple, il faut être complètement ouvert. Mmh. Et donc moi je suis très ouverte, mais mes copains le sont beaucoup moins. Ah ouais, t'es très ouverte, on t'appelle l'huître. C'est la baie vitrée. C'est la baie vitrée, elle coulisse. Non mais t'as raison, ma Ludivine. Attends, nous les mecs, on est, tu vois, on est premiers humains, on est des porcs. JM, vous êtes des porcs. Il y a être porc et être porc. Hein. Moi, j'aime le sexe sans forcément avoir un gros porc en face de moi, un gros chien. Un Sylvain. Alors Sylvain ne te plairait pas. Faudrait aller plutôt sur le romantisme de JM. Mais quand tu veux, Ludivine, qu'est-ce que tu fais ce soir? Oh là là! Ah ouais, et toi, Lara, c'est pas du tout ton délire. Au contraire, t'es pas du tout obsédée, ma Lara de Bordeaux. Pas tant que ça, en fait. Finalement, moi, j'ai mon chéri, ça va très bien. On fait ça comme quand t'as envie normalement, tu vois, mais j'y penserai pas, genre, en le croisant dans la rue, en mode, oh tiens, viens, je te dis ça très bien. On fait non, ça mais genre, ton mec, voilà, avec lui, est-ce que souvent ça t'arrive dans une journée de penser au sexe, quoi? C'est un peu ça l'idée, quoi. Une pulsion, quoi. Bien sûr, mais parce que c'est mon chéri, parce que voilà, mais oula. Genre. Non, mais elle doit s'ennuyer. Mais pas. Pourquoi il se passe quoi, Ludivine? Raconte, c'est quoi le dire? Toi, t'as envie de dessaper des mecs comme ça au fur et à mesure que t'en mais croises? Mais non, c'est pas que j'ai envie de dessaper des mecs, mais je veux dire, quand on croise un beau gosse dans un bar qui arrive et qui nous dit, bon, ben je vous paye un verre, charmante demoiselle, et puis on passe la soirée ensemble, ben c'est très bien. Alors que si on rentre chez soi et qu'au final on retrouve un mec qui est dans le lit à vouloir rien faire, non merci quoi. Ouais, oh là là, Ludivine, il faut que je te mette sur le potard là. Pendant 2 ans, j'ai été avec un mec, on faisait ça 1 fois par semaine. Non, merci. Oh la tristesse. Ah ouais, ouais. Une fois par semaine aussi. Ouais, mais je pense que Ludivine, elle a besoin là. Là, elle a besoin de rattraper le temps perdu. C'est pour ça que tu es comme ça, d'accord. Ah ouais. Ludivine, elle est en chaudière, frérot. Ah ouais. Bientôt, il va y avoir un crédit d'impôt pour aller chez elle. Non, mais Ludivine, t'habites dans quelle ville? J'habite à Biscarrosse. Ah bah les gars, de Biscarrosse, réveillez-vous, hein, il y a de la biscotte à croquer. On file sur Biscarrosse, si vous croisez une Ludivine, là, toutes les Ludivines de Biscarrosse sont pas bien. Tu sais, elles vont être harcelées tout le week-end. T'appelles comment? Ludivine, on cherche une Ludivine à Biscarrosse. Ludivine, merde. Ce soir, je vais en boîte, donc c'est génial. Ah bah écoute, tu vas dans quelle boîte? Ouais, tu vas dans quelle boîte, tiens? À l'Océana de Biscarrosse. Ah bah les gars, il y a Ludivine les gars. Mettez le bleu de chauffe. Merci Ludivine d'être passé, on t'embrasse et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ciao. Bisous ma Ludivine et bisous ma Lara, merci d'avoir apporté ton avis, on t'aime fort. Bisous. Bisous ma Lara de Bordeaux. Les amis, on change de question. On va parler de ces mecs qui font les gros machos alors que dans l'intimité c'est les gros canards. Et puis les filles, quand vous sortez entre copines et que vous êtes en couple, est-ce que vous vous laissez draguer pour le fun comme nous les mecs? Tiens, ça démarre bien. Ce soir, on en prend plein la tronche. Imagine Dragons sur NRJ. Et puis on répond à toutes ces questions. C'est la boîte à questions. Et oui, ça tombe, les amis. Et puis dans 10 minutes, Canui, Canular de la nuit. On est là pour kiffer. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, cause you're a natural. A beating heart of stone. You gotta be so cold to make it this world. Yeah, you're a somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until the beast out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. inside me. I'm fading black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. Ta question et derrière on s'écoutera, tiens, Let Up Bitches Shallow. Ah, j'adore, j'adore, d'autant qu'on va parler d'un sujet un peu raccord, les mecs, pourquoi quand vous êtes devant vos potes vous faites les machos et dans l'intimité les gros canards, le tombeur? Ah, on parle de toi en fait. Ah, non, non. Non, c'est une question de Maël, 22 ans. Ouais, c'est ça. Ah, les amis, j'aime. Ben quoi, c'est à toi qui peux vous agir. Non, moi je fais pas le macho et je fais pas le canard. Non, moi je fais faire. Pas le macho ni le. Les gars, moi je suis macho all inclusive. Je suis aussi canard all inclusive. Non, mais ouais, c'est des variantes. Vous savez, moi je suis un prince avec les filles. Je pense que les. Et non, les femmes, c'est les bijoux de ce monde, faut les protéger. Bah ouais. Et franchement, je suis incapable d'être dur avec une fille. Voilà. Oh. Alors si être tendre, être à l'écoute, ça vous gêne, bah écoutez, ça vous gêne. Bravo, voilà. Belle flûte avec. Ah bah écoute, écoute, apparemment, toi aussi, t'as un bon coup de souffle. Oh. Les amis, dites-nous, tiens, 0870 42 48. Karim de Nancy est là. Ça va, Karim? Salut Rico, salut l'équipe, ça va? Salut Karim! Alors canard, canard, Karim, Karim le canard! Est-ce que c'est Karim le canard ou pas? Non, en fait, moi je dis qu'il faut juste, tu avec les potes, faut juste s'imposer et pas être une victime. Ouais. Et puis quand t'es avec ta femme, c'est faut lui montrer son amour, quoi. Ouais, bah oui, moi je suis comme Karim. Bah. Ah oui. Oh là là, c'est... Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est que comment ne pas se comporter avec une femme comme un prince quand on a été élevé comme une, par une reine. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu peux la remettre à l'endroit. Apparemment, c'était pas en cours de français que tu l'as appris. bon, Karim, mais je suis d'accord avec Karim. Franchement, ça symbolise ce que je voulais dire. Non, vous répondez pas à la question là, en fait. Pourquoi quand vous êtes avec vos potes vraiment, vous parlez de meufs, vous parlez, voilà, vous montrez des photos, etc. Et devant votre meuf, ah mais non, moi avec mes potes, il y a que toi, tu sais, on parle de jeux. Là, on parle c'est de normal. Foot. Ouais, moi, mais c'est normal. Petit canard, je t'aime. Ouais. Pourquoi? Parce que t'es jaloux, Sarah. Ouais, c'est une vidéo. Je peux te dire que Mehdi s'en tape hein, des vidéos. Ah ouais, fou, le mec, toi. Il est sur Jackie et Mimi hein, pas du tout. En permanence. Mais c'est normal. Tu vas pas avoir la même discussion avec tes potes qu'avec ta meuf. Pourquoi? Ou avec tes parents. Mais parce que tu vas pas parler des mêmes choses avec tes darons. Ouais. Je change la personne. Ouais. Interlocuteur d'en face. Tu vas pas parler de la même chose avec tes darons qu'avec tes potes. Et tes darons, c'est tes darons. C'est comme si toi, je te dis pourquoi tu parles de maquillage et d'onglerie avec tes copines, voilà, et ouais, pas quand t'es avec ton mec. Bah parce si, que ça l'intéresse pas. Bah si je te parle de Hugues, ça t'intéresse, toi, ça? Vas-y, bah oui, nous, le Hugues, c'est une passion, c'est comme le vélo. Ouais, voilà, ça s'entretient, ça se discute. Sacré coup de pédale. Ah, je peux te dire, j'ai jamais eu de fringale. Karim, merci d'être passé. Je te fais des bisous, mon Karim. Plein de bisous. Bisous, mon Karim. T'es un bon GM. Le truc qui est énervant, plutôt, Sarah, moi, ce que je dirais, c'est les mecs qui font les bonhommes quand ils sont avec leurs potes, qui disent ouais, ma meuf ci, ma meuf là. Et à ce moment-là, elle les appelle sur le portable. Oui, ma petite chérie. Ah ouais, toi, ouais. Ça, c'est vénère. Ouais. Ça, c'est pas bien. Ma petite licorne. Tiens, il y a Oussama qui a fait le 0870 42 48 de Rennes. Il veut réagir. Ça va, Oussama? Salut l'équipe. Salut. Salut mon poulet. Alors, raconte-moi, Oussama, un petit peu, qu'est-ce que tu penses de ce débat lorsqu'on est macho entre potes et puis une fois votre compagne arrivée, on se transforme en canard? Moi, je pense que c'est parce qu'entre mecs, tu vois, il y a une montée de testostérone, pardon. De testo, quoi. Ouais. Voilà, de testo. Du coup, on sent un peu plus guerrier, alors que quand on est avec notre copine, tu vois, c'est le mélange des oestrogènes et de la testo. J'ai l'impression qu'on est sur une vraie raison scientifique. Ouais. Et je pense que finalement, voilà, tout s'explique, ça. Voilà, c'est merci. Scientifique. Le macho et le canard, c'est en fonction des hormones. Je prends. Non, mais sérieux, Osama, t'es quoi? T'es prof d'SVT? Ouais, presque. Mais non. Sérieux? T'es vraiment dans. Ouais, presque. Eh ben bravo, bravo. Ah ouais. Et je pense que ça peut être assez clair. Peut-être qu'on n'est pas sur les mêmes ressorts, sur les mêmes, les mêmes choses. C'est peut-être chimique. Ça veut dire quoi, presque prof de SVT? Tu fais quoi? T'es en études pour le devenir ou t'es prof ailleurs? Il a raté deux fois. Non, on en est où, Osama, au niveau des études? Non, en fait, je rigolais, c'est pas vrai. Ah ouais, d'accord. Moi, je te voyais déjà disséquer une souris. D'accord, c'est pour ça. Ah, moi, j'étais déjà dans le délire. Osama, tu nous as bien fait rigoler. Ouais. On va te faire un petit cadeau. Bisous. Salut, mon poulet. Bisous. Salut mon poulet, les amis, on change de question. C'est la boîte à questions et on va parler de vous, mesdames, quand vous sortez entre copines et que vous êtes en couple, est-ce que vous vous laissez draguer pour le fun comme nous les mecs? Tiens, ça démarre bien, on va en prendre plein la gueule. Ah ouais. Let up, bitches. What the hell do you mean? I've got to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Chaud sur énergie, 20h-23h. Vous venez 0870-42-48. Des places pour le ballon d'or à venir. Et puis l'appel pervers arrive dans 5 minutes. C'est une barre de rire cet appel. Je me fais passer pour un, voilà, pour une femme. Voilà, j'appelle et puis je dragouille, hein, comme ça. Des personnes trouvées sur la toile, ça va être énorme, les amis. Boîte à questions. On était sur la question suivante de Virgile, 19 ans. Les filles, quand vous sortez entre copines et que vous êtes en couple, est-ce que vous vous laissez draguer pour le fun comme nous les mecs, Sarah? Attends, je vérifie que mon mec n'écoute pas. Non, c'est bon, il écoute pas. Bien évidemment que ça nous fait plaisir quand on se fait draguer. Ouais. On est d'accord, on va pas se mentir, qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple. Par contre, on ne rentre pas dans une tchatche avec le mec à le séduire, etc. Mais on aime se faire courtiser. Moi, j'ai l'impression, des fois, tu vas en boîte, j'apprends que la nana a un mec au bout du troisième verre que j'ai offert. Il y a ça aussi. C'est-à-dire, je suis fauché, je suis au bout du bout, et là, je dis, c'est bon, elle est mûre, on a bien discuté, on a, voilà, c'est sympa. Et là, la meuf te dit, bon, écoute, écoute, tu vois, elle te fait apparaître le fond d'écran, tu sais, elle te le dit pas. Ouais, elle t'appuie sur le fond d'écran pour regarder l'heure, et puis tu vois trois gamins, tu vois le mec, t'es pas bien quoi. Pour moi, c'est la théorie du premier quart d'heure. Si une fille te parle pas de son mec pendant le premier quart d'heure, c'est que c'est bon. C'est bon. Si elle t'en parle, fini. Ah, non, que ça. Ah, parce que tu tentes quand même quand t'as la mec. Et la meuf te le dit à 14 minutes et 45 secondes. Ouais, c'est un musée dans les arrêts de jeu, ça passe pas. Putain. Oh putain, ouais. Elle te parle à la 14e. Là, t'es dégoûté. T'es là, t'attends, tu regardes la montre, tu dis putain, je vais me la faire. Et tu finis sur le banc. Ah ouais. Carton rouge, carton rouge. Non, mais il est... vous êtes cons, les gars. Ah, tiens, il y a Nathalie qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Natou? Salut Rico, salut l'équipe, nickel. Salut, salut. Nat. Écoute, on est content de t'avoir avec nous. Est-ce que toi, alors que t'es en couple, tu te laisses draguer un petit peu pour le fun? Alors non, moi je me laisse pas draguer. Je trouve que c'est un manque de respect pour mon homme. Ah oui. Je recale direct. Ah, tu direct. Recales direct, ah ouais. Direct. Bon, tu après, laisses des fois jusqu'à la 14e ou pas? Non. Alors, même pas une minute. Même pas une minute. Ah ouais, tout de suite. Parce que ça se voit un mec qui vient draguer. Ça se voit. Bah oui, mais attends, on va pas se mentir, c'est toujours plaisant. Toi, t'aimes pas? Ah oui. Attends, c'est plaisant quand même. Ça fait plaisir. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir, mais je le laisse pas espérer, ça sert à rien. Ouais. Ah oui. Ça, par minutes. Contre, c'est vrai que les allumeuses, c'est dur. Ouais. C'est dur. Mais non, on allume pas, on se laisse draguer. C'est tout. Bah c'est pareil. C'est pareil. Tu laisses le feu se propager dans le slip. Alors tu vois Nathalie, elle serre bien la vis, ouais. Et puis derrière, elle te castre. Je peux dire que t'es tranquille, tu bouges plus l'oreille, n'est-ce pas Nata? Ah ouais. Non mais là c'est ce qu'il faut faire. Non mais c'est clair, mais moi je trouve que Sarah elle dit ça parce que elle a plus trop l'habitude de se faire draguer maintenant. Ouais. Si, t'inquiète pas pour moi. Sarah elle y va. Si. Ah, si. Ah ben si, je vais te dire, il y a beaucoup de cadres de plus de 50 ans, elles se régalent. Mais il est malade. À énergie, elle traîne à la compta. Elle adore. Quand elle passe, tout le monde est gaga. Au moins, je suis la mieux payée d'entre vous. Oh là là. L'égalité homme-femme, merde. Ouais. J'arrête de nous jeter ça à la gueule. Comme ça, tant mieux si tu gagnes ton blé. Le mec pète un plomb. Nathalie, merci d'être passée. On te fait plein de bisous, Nat. Mais de rien, merci à vous. Bisous. Bon, on t'aime fort. Plein de bisous, Nat. Tiens Sylvain, t'avais une question pour terminer. Je sais que t'avais une question que tu voulais nous poser. Ouais. C'est une question très particulière, très fine, hein, comme d'habitude. Ah ben oui. Vous le savez, c'est du Sylvain Potard. Sylvain, on t'écoute. Est-ce que si vous n'avez pas le regard des autres, ne lis pas. Oui. Les femmes. Ouais. Non, mais c'est vrai, les femmes. Là, ouais. On va parler des femmes. Oui, d'accord. Est-ce que si vous n'avez pas le regard des autres, est-ce que vous coucheriez plus facilement? Ah, bonne question. Tiens, s'il n'y avait pas ce jugement, tiens, Nathalie reste avec nous, tiens, Nathalie. Si t'avais pas le jugement des autres, est-ce que tu coucherais plus facilement lorsque t'es célibataire? Ah oh, purée. Non, moi, pour moi, le regard des autres, je m'en fous, c'est au feeling. Ouais, c'est au feeling. Sarah, toi, est-ce que s'il n'y avait pas le regard des autres, tu coucherais plus facilement? C'est-à-dire, si tu savais que derrière, ça ne parlerait pas, s'il n'y avait pas de. Mais t'es sérieux? Tu couches pas avec son mec déjà. Mais moi, je serais la reine des biatches. Ah ouais? Mais moi, non, je rigole pas du tout. Je le fais pour moi, la reine des filles de joie. Ah oui. Je le fais pour moi. Je le ferai pour moi et non, je me respecte, donc je ne coucherai avec personne. Ouais, pour toi, c'est mort. Sylvain. Non, mais c'est vrai, regarde, quand on dit qu'un mec couche avec des meufs, on dit qu'on appelle ça un don juan. Ouais. Et quand une fille couche avec des mecs. On les appelle les S. Ouais, heureusement, toi, t'es là pour établir ça. Et puis, tu fais un petit peu de psychologie et tu dis, les filles, il n'y a pas de souci. Croyez-moi, avec moi, il n'y a aucun problème. Puis, t'en profites, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, je trouve ça pas normal que ces meufs-là, eh ben, elles se privent. Ouais, bien sûr. Allez-y. Tiens, on va demander à Elodie. Ça va, Elodie? Oui, ça va. Salut ma poulette, bienvenue dans Rico Show. Elle a fait le 0800 70 42 48. Maëlo, est-ce que toi, s'il n'y avait pas le regard des autres, tu ferais l'amour plus facilement avec les mecs? Non, parce que j'ai mon copain et c'est vrai que ça, c'est un truc que. Non, je suis pas fan. Mais si t'étais célibataire, sans mec, est-ce que tu. Non, pas plus que ça? Non, ça fait un peu. Pas si facile, mais. Non. Alors, faut quand même qu'il y ait. Ouais, voilà, on se respecte. Tu sais quoi, Sylvain, à mon avis, c'est encore une douille que te mettre les nanas pour pas coucher avec toi. Je pense qu'on est là-dessus. Merci, Elo, d'être passé. On te fait plein de bisous, Maëlo. Bisous, ma chérie. Quel bonheur de vous avoir, les amis. Il va y avoir plein de choses. Il va y avoir la tweetbox. Tous les tweets les plus marrants sur la vie quotidienne, on va en débattre parce que vraiment, ça parle de vie cotte. Et c'est une barre de rire. Vous allez voir, il y a des réactions surtout sur les soirées, notamment quand on tweet en mode soirée. J'ai des tweets de dingue, hein, des tweets qui se sont passés à 2h du mat, alors que vous étiez en train de faire des choses. Vous allez me dire,

amis, on est là jusqu'à 23h. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h, 23h. Sur Énergie. Yes. Et puis on s'écoutera Ritza là. C'est la nouvelle, il sera là avec nous la semaine prochaine, hein. Ça va être un kiff. Et puis on aura aussi Kenji qui sera dans le coin la semaine prochaine. On va se faire un kiff, hein. Très belle semaine. Mais là les amis, avant de se faire tous les tweets complètement ouf, notamment ceux que vous faites en pleine soirée, hein, on va en parler. Eh bien on se fait l'appel pervers. Massara, on a repéré l'annonce d'un mec complètement ouf. Il veut que je mette les culottes de sa femme. Les culottes de sa femme. Et il marque, ma femme est absente ce week-end. Tu viens, tu files dans la salle de bain, enfiler un string ou une petite culotte de ma femme. Pendant ce temps-là, je mets un petit film porno sympa, je baisse les rideaux et tamise les lumières. Tu me rejoins sur le canapé. Oh là là. Alors je vais prendre la voix d'une femme, d'accord. Et puis on va voir si on peut le faire un petit peu jouer, cet homme là et ce qu'il a dans le ventre. Ok les amis, yes. C'est le canui. Arrêtez tout, écoutez. Tout le monde est en danger. C'est le canui. Le canular de la nuit sur Énergie. Allez. Chelou le délire quand même. Oui. C'est toi belle. C'est une voix de quelque oui, chose. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va. Alors raconte-moi, j'ai vu ta petite annonce, tu peux m'en dire plus? Oui, bien sûr. Hein. Ben, écoute, ma femme est pas là, hein. Ouais. Et éventuellement, j'aimerais bien passer un bon petit moment. J'aimerais mettre les strings de ta femme. Ben, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai vu dans la petite annonce, t'as mis les strings de ta femme. Ouais. Est-ce qu'ils sont propres ou ils ont été portés? Tu peux avoir le choix. Ah oh oui, moi je les veux sales. Tu les veux sales? Ben y a pas de souci. Tu veux venir me montrer ton petit cul? Ah oui. Que je le lèche? Non, je couche. Oh. Ouais, je vais te lécher le cul. Oh. Deux cochons comme un vieux vicieux. Tu sais, je suis très vicieux, moi. Alors fais le loup. Fais le loup, je veux que tu fasses le loup. Oh. Plus fort. Oh, oh plus fort. J'ai les crocs, viens. Oh, fais le cochon, vas-y, fais le cochon, fais-moi le bruit du cochon. Petite truie. Encore truie, plus, encore plus. Oui, oui, fais, vas-y, vas-y. Je vais faire le serpent, tu vas voir. Vas-y, fais-le, fais-moi voir, fais-moi voir. Le gros serpent à sommet, tu vas voir. Vas-y, vas-y. Oh oui, c'est quoi ça? Le serpent, bien chiffré là. Fais-moi le bruit du serpent. Il secoue trop, il crache. Fais-moi le mouton, vas-y, s'il te plaît. Le mouton, plus fort, méchant bouc, vas-y. Le bouc qui va niquer la chair, la petite chair, la petite innocente là. Je vais t'attraper en levrette. Hein. Tu vas faire bé. Encore? Allô? Ouais, j'ai bien envie de toi. Ah ouais, hein, petite cochonne. Ah, j'ai envie de toi. Un petit peu de martinet? Ah, fais-moi du martinet, vraiment. Tu fais le coq! Bon, ma poule, on se calme là, hein. Tu veux venir? Fais le coq! Ouais, va te faire enculer, hein. Oh non! Oh là là! Il est énorme. Hein. Oh là là. Il a pas cramé, je crois, quand j'ai fait la voix. C'est un truc de ouf. Et ce mec a une femme. Ouais, c'est grave. C'est ça qui est grave. Oh. Elle est partie et du coup, il veut lui faire mettre sa petite culotte. C'est délire un peu chelou parce que si tu veux faire venir une meuf pour qu'il se passe quelque chose entre toi et elle, tu demandes pas de mettre la culotte de ta meuf. Oh tu lui demandes de venir avec sa culotte à elle, je sais pas. Non, non, non. Mais je crois qu'il est tellement malsain qu'il veut rassurer presque en disant qu'il a une meuf. C'est ça, voilà. Ouais, mettez ses petites culottes. Tellement qu'il est en angoisse. Les amis, on va se faire plein de trucs. On va avoir les places pour le Ballon d'Or. Vous allez devoir deviner un âge. Puis il y a le Kibito, JM, moi et puis vous tous, vous allez devoir deviner qui a la vraie histoire, Sarah contre Sylvain. Ils ont deux histoires autour d'embrouilles de stars, et histoires autour de stars. Hein, voilà. C'est ça. Oui. Chacun ont croisé la route d'une star et ça s'est passé plus ou moins bien. Hein. On va en parler, c'est le Kibito. À vous de déceler le vrai du faux et on va se faire la tweetbox. Vous êtes prêts les amis pour la tweetbox? Yes. Ouais. C'est parti, on y va les amis. J'ai trouvé un tweet qui m'a fait beaucoup rire. Vous me dites ce que vous en pensez, vous n'hésitez pas à participer. On est tellement bourré Voilà, c'est Zulouman qui tweet. Ça fait 30 minutes qu'on cherche un pote et on vient de réaliser qu'il était en train de nous aider à chercher ce bâtard. C'est énorme. Et c'est vrai, on a tous un truc qu'on essaye de chercher alors que c'est sous les mois. Des fois, c'est le téléphone. Ah ouais. Tu vois, oui, tu cherches un truc et puis tu l'as dans la main. Les tu clés, l'as dans la main. Les clés. Oh l'horreur. La carte bleue. La carte bleue. Oh, tu l'as sur la poche arrière en fait. Et tu l'as endormi, elle est sur ton cucu. En plus, ça fait un quart d'heure que tu fais la queue. Tu sais, tu viens d'engueuler la meuf qui l'a cherché pendant 10 minutes. C'est vrai. Et là, quand c'est à ton tour, tu fais la même. Et puis, t'as cherché partout et finalement la télécommande elle est sous tes fesses. Ouais. Non mais c'est toujours cette histoire. Pareil, ceux qui ont des lunettes là. Ouais. À chaque fois, moi je m'en rappelle, ma grand-mère elle me dit oh là. C'est où mes lunettes? Oh non. Elles sont sur la tête, ma lunette. Ils sont nuls jusqu'à très tard. Allez, Ritza sur Énergie, les amis, on a pas mal de tweets comme ça. On est là pour kiffer. Bon week-end à tous. Tu n'es plus sur les réseaux, tu m'as bloqué. Et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi, tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai fauté. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non, on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. De mentir quand je te souhaite le meilleur, sans dire un mot, on s'est tourné le dos, comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano, tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera, le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Je sais que t'as envie de me rappeler. Je sais que t'as envie que je revienne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie. On se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Les amis, on se fait la tweetbox. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. Eh oui, les amis. Ouais. Dernière heure complètement ouf. On va se faire kiffer. Ça va être énorme. N'hésitez pas à commenter hashtag Rico Show sur Énergie. On a le voisin qui a crié. Hein. Dit, il est comme un ouf. On lui a dit de venir hein, parce qu'on l'emmerde tous les soirs. Il dit viens kiffer. Depuis, il est plus gentil que nous. Hein. Vous avez remarqué hein, c'est un bonheur. La tweetbox est là, les amis. Et il y a du très très lourd dans les tweets. N'hésitez pas à commenter. Il y a notamment s'embrouiller avec sa meuf. C'est comme se faire arrêter par les keufs. Tout ce que tu dis peut-être et sera utilisé contre toi. Oui, on s'en sert pour vous ressortir des doses des années plus tard. Moi je me rappelle mon ex, il m'avait trompé, ouais. Donc je lui avais pardonné, pas de soucis, mais tu peux être sûr que dès qu'on regardait un film, il y avait, tu sais, une petite scène d'infidélité, je lui disais ah, ça te parle hein. Ah non, ça te parle. Oh la tanasse. Ah ouais, mais t'es une horreur toi. Rappelle-moi de ne te marier, mais jamais. Heureusement que heureusement que son mariage était forcé. Mais il est malade, mais jamais. Ah oui, deux fois forcé. Hein. Consenti. Oui, forcé, c'est toi qui as forcé ce jeune homme. Hein, c'est sa famille. Elle a dit tu vas te marier. Hein. Non mais j'avoue, à croire qu'elles ont une disque dur dans le cerveau qui enregistre tous les trucs et à la moindre embrouille, parce que on va dire une fois première embrouille, la deuxième embrouille, elle te ressort les trucs que t'as dit pour calmer le jeu à la première embrouille. Oui, et pourquoi tu dis ça? Ça rend fou. Les meufs sur la tromperie, c'est la NASA. Ah ouais? C'est la NASA, les gars. Elle a la lampe bleue, tu sais, elle arrive, elle te fouille le caleçon. Ah ouais. Elles sont terribles, moi, je peux vous le dire. Ça, putain, des fois, t'es sur le canapé. Il y a des cheveux sous le canapé. Mais toujours. Il y a des cheveux. Pas mais d'un coup, il y a une, il y a un flash. Ah ouais, mais c'est les tiennes de cheveux. Non. Oui, non, j'étais tie and dye. Il a viré roux, Sylvain. Là, c'est pour ça, moi, je suis toujours en cavale, hein, parce que sinon. Ah ouais. Ah c'est chaud. Ah ben reste en cavale, Mais va-t'en loin, t'es recherché, Sylvain. Va-t'en. Tiens, autre tweet, les amis, on enchaîne. Quand t'es moche, faut être drôle H24 pour séduire une go. Fou rire égale yeux en pleurs égale capacité visuelle réduite égale elle voit pas que t'es moche. Bah écoute, le témoignage de JM. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est le théorème des moches. Et il marche tout le temps, je te jure. 365 jours sur D'ailleurs, JM, il est toujours en mode Gad Elmaleh. Ah, toujours. Ah, obligé. Ah ouais. Ouais, enfin bon, calme-toi. Ah ouais. Première partie qu'il a dit. Première partie de Gad Elmaleh. Non, mais pourquoi? Et encore, derrière le rideau. Hein. Oh, bah écoute, c'est déjà bien. Maintenant, il est casé, il a fait pleurer une fois. Voilà. Et depuis, t'inquiète pas, il a su saisir sa chance. C'est ça. Voilà. En tout cas, moi, je préfère une personne pas physiquement ouf, mais très drôle, que l'inverse. Toi, Mehdi, il a dû te faire beaucoup pleurer. Il a dû te faire rire à gogo, hein. Enfin, ah putain. À défaut de couiner. Oh non. Mais t'es malade, comment tu parles, toi? Tu respectes qui, là? Il est fou, celui-là. Ordure de la nature. Ordure de la nature, c'est un rime en plus, pas mal. Mais c'est fou. Et dire qu'il cartonne avec les filles, bah, les amis. Lui, c'est cartonne. Mais, vous savez pourquoi? Bah, elles ont pas le choix, ces pauvres dames. Elles ont peur du gars. Je rigole, évidemment. Les amis, on a des tweets comme ça. On vous fera ça toutes les semaines. N'hésitez pas à kiffer, à commenter et à prendre du plaisir, les amis. On se fait le Kimito? Yes. Tiens, vous allez vous réconcilier sur une guerre de Kimito. Oui. Je sais que Sarah, ça t'a laissé un peu pantois. Oui, c'est ça. Je suis très énervée contre toi. Tu ah ouais voir. Attends, c'est. Non, mais il est fou. En fait, moi, j'en ai marre que Sylvain se permette de juger ma vie privée alors qu'il a une vie de merde, clairement. Ouais, je te le dis. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu parles? Tu sais? Bah, t'es solo, t'as 40 ans, je suis désolée. Ça passe un week-end avec moi, tu vas voir. Non, ça va aller. Tu vois le week-end merde. Ça va être le grand bleu. Il t'évitera nulle part. Pas de rue, ça, c'est toi qui vas sortir les sous. Allez, les amis, on se fait le Kimito. C'est parti. On a Sarah d'un côté et Sylvain. Ils ont chacun une histoire et c'est Alison qui va les départager. Ça va, ma Alison? Ça va très bien, et vous? Écoute, impeccable. Salut, ma petite poulette. On est là pour kiffer et c'est à toi de déceler la vraie histoire pour emporter un petit cadeau. Est-ce que t'es prête, Alison? Je suis très très prête. Attention, on va démarrer avec l'histoire de Sarah. Est-ce qu'elle a la vraie histoire ou pas? Deux histoires, une seule est vraie, mais en tout cas, les deux sont folles et dire qu'il y en a une de vraie. Sarah, on t'écoute. Alors moi, en fait, c'était il y a 10 ans, j'étais chanteuse dans un groupe. D'accord. Qui était assez connu. D'ailleurs, on passait sur Énergie. Ouais. Et en fait, on faisait pas mal de tournées. Et lors d'un Énergie Music Tour, il y a la chanteuse Shaim, qui à l'époque, en fait, était la choriste de Camaro. D'accord. Voilà. Et en fait, elle toque à ma loge. Elle me dit, voilà, c'est vous, Sarah, du groupe Zé Pequeño. Je dis, ne me vous vois pas, tu peux me tutoyer tranquille. Oh là là. Et elle me dit, voilà, je m'appelle Shaim, mais sinon, mon vrai prénom, c'est Tamara. Et je suis fan de toi. Je trouve que tu danses hyper bien. Ouais. J'aimerais que tu me donnes des petits cours, etc. Et j'aimerais te suivre un petit peu sur la tournée. Shaim, elle veut des cours. Shaim, il y a 10 ans, elle voulait apprendre à mes côtés. Alison, c'est pas bizarre cette histoire déjà d'entrée, franchement. Je me méfie. Ah non. Tu regardes sur internet, Shaim. Vraiment? Non, mais franchement, pour sa défense, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à percer. À percer. Shaim aussi, femme de couleur, tout ça. Exactement. Tout ça, c'était à ce elle faisait là, les cœurs à ce moment-là pour Camaro. Bon. Et du coup, elle nous a accompagnés en tournée, en effet. Et elle restait dans la loge, tu vois, elle m'apportait à boire, etc. Oh là là. Non, mais bon, elle m'assistait à... C'est peut-être la phrase de trop, ça. Elle m'apportait à boire. Mais je te le dis, on peut l'appeler si vous voulez. Mais elle devait te piquer tous les cums, elle est trop chez frère. Voilà, alors ce qui s'est passé, donc moi, à un moment donné, il y a un petit entracte, tu vois. Et je vais dans la loge pour me rafraîchir. Et moi, j'avais un petit mec à l'époque, Benjamin. Et sauf que j'arrive, elle était sur ses genoux, en train de flirter un petit peu avec lui. Je te jure. Et là, sanguine comme je suis, j'ai pas pu me retenir, on s'est crêpé le chignon, mais grave, en mode vraiment embrouille. Embrouille avec Shaim. Embrouille de dingue avec Shaim. Il y a des extensions qui ont volé. Enfin, c'était horrible. Heureusement que Benjamin était là pour nous séparer. Oh, c'était Benjamin. Oh, le Benjamin. Mais je te le dis. Et du coup, depuis ce jour-là, d'ailleurs, je suis. Elle a arrêté de cun. Non, mais je suis contente, Rico, qu'on l'ait pas reçu pour l'instant, Shaim, parce que le jour où on la reçoit, il va y avoir un malaise. Bah, arrête, je te le dis énorme. Je te le dis. Une carrière comme toi. Mais même, on a eu une grosse embrouille à l'époque. Bon, elle a mieux réussi que moi, mais à l'époque, elle était fan de moi. Écoute, je te le dis. Elle doit pas venir la semaine prochaine, Shaim. Non, surtout pas. Je t'en supplie. Si c'est ça, on va l'inviter. Parce qu'elle est déjà venue à Énergie. Vous êtes déjà croisés, je crois. Ouais, mais on se parle pas. On se parle pas, ouais. Et franchement, si on la reçoit, c'est malaise et je sais même pas si elle voudra venir. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. C'est juste que Shaim, elle la reconnaîtra pas. Mais vraiment. Si, elle était fan de moi, mais vraiment, Les gars, attends, est-ce qu'on a le numéro de Shaim dans le coin? Là, moi, j'aimerais bien qu'on trouve son numéro. Ouais, appelez-la. Et surtout, je crois que Shaim me suit sur Twitter. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, je pense qu'on va pouvoir lui envoyer un petit message. Mais la photo de ça? Mais tu verras. Envoie ma photo, tu dis Sarah Zé Pequeño, est-ce que ça te parle? Alison, t'en penses quoi de cette histoire, Alison? C'est, alors, elle a des éléments qui sont vrais, genre elle connaît son vrai nom et tout, genre le groupe et tout, que c'était une chanteuse et tout, donc ça a l'air vrai quand même. Les gars, je vous montre, c'est vrai ou pas? Il n'y a pas une conversation avec Charlie. Putain, ouais. Allez, envoie lui, tu connais sa radio groupe Zepequeño. Je vérifierai si c'est vrai, Alison. Je vous jure que je vais essayer d'avoir son numéro, de l'appeler. Et tu peux nous faire lire la conversation avec Charlie ou pas? Non, ça c'est secret. Non, on s'apprécie. Oh le canard. On s'apprécie. Il va y avoir. C'est bizarre. En tout cas, il y a plus de bleu de son côté. T'as écrit un roman. Les gars, c'est pas mon Kimito. C'est pas mon Kimito. Bon, je vous rappelle qu'il y a une histoire. Celle de Sarah autour d'une star. Il va y avoir Sylvain. Autour d'une star, Sylvain, ça, c'est autour de qui? Ah ben, je peux pas. Un rappeur très connu. Écoute, on va en parler, on va voir qui dit la vérité. On se met Kygo et Alison. Réfléchis bien, on y va. On est dans le Kimito et on est là jusqu'à 23h. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur Énergie. De 20h à 23h. Yes, les amis, on est là jusqu'à 23h. Kimito, Sarah a une histoire avec Chaim. Évidemment, elle a donné des cours à Chaim, soi-disant. Et puis après, elle a percé. Et voilà, et Chaim a chopé le mec de Sarah. Ouais. Si c'est le cas, les amis, on a le numéro de Chaim. On essaiera de l'appeler. Ça y est, je viens de le récupérer. On essaiera d'appeler Chaim pour savoir si c'est vrai. On a une deuxième histoire, c'est celle de Sylvain. Alison est au milieu. Elle a fait le 0870 42 48. Alison, tu penses quoi de l'histoire de Sarah rapidement? J'ai toujours un doute. Alors, est-ce que je peux poser une petite question? Vas-y, vas-y. Alors, si tu connais aussi bien Chaim, comment ça se fait qu'elle n'ait jamais parlé de toi ou de ses débuts où elle aurait rencontré... Parce que Sarah n'est personne. Tout simplement, ma belle, parce qu'on s'est vraiment embrouillé très gravement et que c'est pas dans son intérêt de parler de moi après, en fait. Très bien, ma Sarah. On y va, l'histoire du tombeur. Ouais, donc moi, je travaillais dans l'éducation nationale. Ouais, c'est pas une vanne, hein, bien sûr. J'étais un super pion.

Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 Tera Marvel Spider-Man. Bénéficiez de 50€ de remise immédiate, plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299€ au lieu de 408,90€. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Tu regardes quoi, non ? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Hein. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon ? Ah ouais ? Pas toi ? Ouais, c'est chaud. À la radio comme à la télé, les contenus violents, on doit les éviter. Vas-y, raconte. Sinon, il faut en parler. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. C'est la soirée. C'est le Rico Show. 20h, 23h. Sur Énergie. Eh oui, les amis, on est là sur Énergie avec vous pour kiffer le Kimito. Sarah, justement, aurait eu un problème avec Chaim à l'époque où elle démarrait dans la musique. Elle aurait pécho son mec Benjamin. Elle aurait retrouvé Chaim sur Benjamin. Et puis, Sylvain aurait. Eh bien, sécurisé, un conseil de classe, lui qui travaillait dans l'éducation nationale. Et Fianso, le rappeur, aurait défendu son frère. Il se serait donc battu avec Fianso, le rappeur. Qui dit vrai ? On va le savoir dans 30 secondes. Et puis, on a aussi Elisabeth. Vous devez retrouver sa voix. 0870 42 48. Et vous gagnez des places pour le Ballon d'Or, les amis. Griezmann, Mbappé, tout le monde sera là. Ce sera le 3 décembre à Paris. On va vous faire kiffer de ouf. Et puis, l'appel arrive. Hein. Je vais passer un coup de fil à une Kaira en mode papy. Allô, wesh ! Je veux mon Viagra. Il vend du Viagra, le type. Hein. On vous lit, hashtag Rico Show sur Énergie. Et puis Alison doit prendre sa décision. On est en plein suspense, les amis. C'est compliqué, là. c'est compliqué. Ouais. Est-ce que même moi, je sais pas, j'aime toi avant ça, t'es plus quoi. Le chemin, ni l'un ni l'autre, tu vois. D'accord. Les deux ont menti. Les deux, c'est des mythos. Non, il y a qu'une histoire vraie, hein, je vous le rappelle. Hein. Je sais pas, franchement. Tiens, ça... si tu veux dire. Ouais, Sarah, moi, je petite analyse, je me dis ça peut être possible, tu vois. Ouais. Mais après, une embrouille pour ça, genre, elle a pas de figure sur NMT. Elle est, à l'époque, elle était pas connue, Chaim. Ouais, je sais pas. Et Sylvain, en fait, le truc, c'est que Sylvain. J'y crois peut-être un peu plus, juste c'est pourquoi, parce que je connais un peu Fianso vite fait, il fait beaucoup de trucs comme ça, genre pour aider les petits, pour aider des trucs, tu vois. Mais là, il aurait aidé les petits parce qu'il avait. Et je pense que c'est le style, tu vois, à se rattraper. Donc peut-être Sylvain, mais pas sûr, et même pas sûr. Sylvain à 54%, hein, hashtag ricochose sur énergie pour ceux qui ont entendu les histoires. Allison. Oui. C'est toi. Appelez-moi inspecteur Allison. Mon inspecteur Allison, quelle est ton analyse sur les deux histoires? Alors, mon analyse, c'est vrai que c'est plus crédible l'histoire de Sylvain, mais quand je lui pose la question, il bégaye. Donc ça veut dire elle m'a pas posé de question. Il bégaye tout le temps, Allison. Ah oui, bah pose-moi une question déjà. Non mais si t'as été surveillant, tu sais direct quel lycée, quel collège c'était. C'est direct, tu vois. Mais là, t'étais pas sûr. Si, c'est Jacques Brel, mais déjà on était sur 15 communes, donc forcément, il y en avait des lycées, des collèges. Hein. Je sais pas. Équipe mobile de sécurité s'appelle. Après tu me parleras. Le MS. Exactement. Merci. C'est facile, faut prendre juste les lettres du début. Tu crois que ouais, le MS. Tiens, Allison, c'est parti. Il me faut ta décision. Je dis que Sarah dit la vérité. Tu dis que Sarah dit la vérité. Sarah, est-ce qu'effectivement tu t'es pris la tête avec Chaim? Si c'est le cas, on va l'appeler. On appellera Chaim dans cette émission, j'ai récupéré son numéro. Même si c'est pas le cas, on peut l'appeler quand même, non? Pour le ouais, kiff. Ouais. Je pense que dans les deux cas, elle ne décrochera pas. Ah merde. Sarah, est-ce que c'est la vraie histoire? Alors, il y a 12 ans, c'était au NMT de Lille. Et en fait, Chaim, elle faisait les chœurs pour Camaro, elle a toqué à ma loge. Et c'est là que tout a commencé, puisqu'elle m'a dit « Écoute, Sarah, j'aime beaucoup comment tu chantes, je kiffe comment tu danses. » Et malheureusement, c'est moi qui vais te devancer dans le game de la musique. Et non, c'est pas embrouillé, c'est faux, mais par contre, c'est vrai pour le début. Ah ouais, Chaim est venu me complimenter dans ma loge, etc. Mais par contre, elle a pas pêché ton mec. Jamais. C'est donc Sylvain qui a la bonne réponse. Et tu perds, Allison. Allison. Allison, tu remportes quoi? Je te file une compile. Je te file quand même une petite compile. Voilà, un petit cadeau, mais là, c'est chaud de Chaim. Ouais, la compile de Chaim, le bâtard. Raconte l'histoire avec Fianso. Ouais, donc en fait, ce qui s'est passé, c'était vraiment son petit frère qui s'était fait virer de ce collège-là. Et donc, il était venu le défendre, forcément, tu vois, il voulait pas qu'il se fasse virer. Normal. Parce qu'il était déjà encore en conseil de discipline pour une deuxième fois. Ouais. Et il trouvait plus de collège, il avait 16 ans. Okay. Donc à 16 ans, t'es plus obligé de te scolariser, tu vois. Ah ouais, putain, c'est chaud. Et donc, il était vénère, tu vois. Et donc, c'est vraiment parti en cafouillage. Oh non. Et pour s'excuser, il nous a fait un petit concert de fin d'année. C'est pas. Ouais. Et après, la petite histoire, il m'a dit, franchement. J'aimerais bien que tu fasses la tournée avec moi en garde du corps. C'est pas. Ouais, je te jure. Et après, Energy nous a appelé, donc j'ai préféré te rejoindre. C'est énorme. Ouais, c'est énorme cette histoire. Ouais. Hey, bravo. Hey, Allison, on va quand même te faire un petit cadeau, tu raccroches pas. On va voir ce qu'on a au standard. Ok, Ali. Bisous. Allez, bisous, on t'embrasse, Allison. Bon week-end, les amis. On va voir l'âge d'Elisabeth. Elisabeth, ça va, Maëly? Oui, bien sûr, je suis toujours là. Tu passes une bonne soirée. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir, Elisabeth? Ce soir? Oui. Très bien, Elisabeth. Très bien. Essayez de deviner l'âge d'Elisabeth. 0870 42 48. Des places pour le ballon d'or à gagner. Et Sylvain le cochon est de sortir. Ça ronfle. Les amis, je passe le coup de fil. Allez, c'est parti. À la Kaira. Et puis il y aura la belle histoire de la semaine. Un copain du Ricochot a vécu un truc de ouf. Il doit nous le raconter, les amis. C'est énorme. Wow. Et franchement, happy end. Hein. Il a risqué le pire. Non, mais c'est une vraie histoire. Okay. Et là, j'appelle notre ami qui vend du Viagra sous le manteau. Ouais, la Kaira en mode papyrico. Ouais, passe du Viagra, frère. J'adore. On y va, là. Allez. Bad Bunny et Drake sur NRJ. On est là jusqu'à 23h. Et je vous dirai qui passera la semaine prochaine. Du beau monde. Están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías. Tu caminar. está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelal. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de guiar. Para nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo pero no santo. Hasta un pavo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Dile que tú eres mía desde la high. El terno favorito de tu mic. El casco que tenía todas las Jordan y las Nike. Dile a tu pavo que dejen de darte like. Allez, c'est le Rico Show, 20h-23h, on est ensemble les amis, on tente de déceler l'âge d'Elisabeth et puis j'appelle la Kaira là pour le Viagra dans 3 minutes les amis. Elisabeth, est-ce que t'es toujours là? Oui. Elisabeth, on doit trouver ton âge, 0870 42 48, je vais t'énoncer les âges là qui sont en train de sortir. Est-ce que t'aurais 54 ans Elisabeth? Non. Non, est-ce que t'as 47 ans? Non. Non, d'accord, t'as pas 47 ans, ah c'est chaud. Toi tu la vois, quel âge Sylvain, notre Elisabeth? On peut poser la voix. Une question ou pas? Ouais, tu peux poser une question. C'est quoi un week-end pour toi? Qu'est-ce que tu fais de beau par exemple? Je fais des tas de choses. Ouais, comme quoi? Est-ce que tu vas au musée? Non. D'accord, est-ce que tu vas en boîte de nuit Elisabeth? Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver, très d'accord. Bien, Sarah. Moi, je dirais qu'elle a 68 ans. J'ai une petite question, Elisabeth. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est chamé? Ah. C'est méchant. Ah, bah tu vois. Oui, non, mais attends, c'est méchant, mais dans quel sens? Bah, c'est chamé, c'est méchant. JM, c'est quoi le dernier film que tu as vu au cinéma? Ah. Bah, j'ai dit Titanic, merde. Le Roi Lion, quand il est sorti. Est-ce que tu vas au ciné déjà, Elisabeth? Très rarement. Très rarement, c'est pas son délire. C'est okay. Pas son délire le ciné. Tiens, on va prendre du monde. Il y a Guylaine qui est là. Ça va, Guylaine? Oui, ça va tout le monde. Salut, ma Guylaine. Pour les places pour le Ballon d'Or, t'es la première à passer. Propose un âge pour Elisabeth. Alors, moi, je dirais à entendre 70. 70 ans, c'est pas la bonne réponse, Guylaine. Je te fais plein de bisous. Merci, non. Guylaine, d'être passée. Désolée pour toi, ma petite chérie. Désolée. Il y a Tiffany qui est là. Ça va, Tiff? Oui, salut. Salut, ma Tiff. Salut. À ton avis, elle a quel âge, Elisabeth? Moi, je dirais qu'elle a 28 ans. 28 ans. Ah, ouais. C'est pas bon. C'est pas bon, Tiffany. Je suis désolée. Oh, je t'envoie. Elisabeth rigole. Hein, se fout bien de votre gueule. Ouais. Elisabeth se fout bien de votre gueule. Elle est très heureuse. Ça fait plaisir, j'ai l'impression, ou pas, Elisabeth? Est-ce que c'est un rire qui fait plaisir? Ah oui. Ah, petit indice. Ça fait plaisir, Sylvain. Elle rigole comme la reine Elisabeth, d'ailleurs. Ah bah, oh non. Elle a le même âge. Il a déjà entendu la reine Elisabeth. Oh, ah oui. Il a déjà entendu. Elle parle en quelle langue, la reine Elisabeth? En anglais, s'il te plaît. Ah, d'accord. Attends, on échappe à la catastrophe. Alors, sachez que, les amis, dans la décennie de naissance d'Elisabeth, cette chanson est sortie. Il y a de la joie. Oh putain. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Comment il s'appelle déjà? Ah bah, arrête, tu es connu quand même. Oui, mais comment il s'appelle alors? Comment il s'appelle? C'est l'autre là. C'est qui? C'est le mec, ce chameau. Il s'appelle comment? C'est pas traîné? Bah oui, Charles Traîné. Tu vois, j'ai dit ça a traîné, ça a traîné. Toi, t'étais à la traîne. Hein. Ouais. C'est ça, je crois. Allez, Elisabeth, tu bouges pas. Vous continuez à penser à son âge. 0870 42 48. L'appel est gratuit, les amis. Et puis, on vous lit aussi sur Snap. Hein. Vous pouvez jouer Rico Energy. R-I-C-O Energy sur Snap. R-I-C-O Energy. Sarah, tu donnes quel âge à Elisabeth? Moi, je bouge pas. 68 ans. Sylvain? 50. 50, JM. 61. Les amis, on se fait l'appel. Allez, j'appelle la Kaira et puis après on revient sur l'âge d'Elisabeth. Il y a les places pour le Ballon d'Or. Et puis évidemment, la belle histoire de la semaine. J'appelle cette Kaira qui vend du Viagra sous le manteau. Papy Rico en a besoin. C'est parti. Oh là là. Allô? Oui, allô? Alors, frérot, est-ce que t'es Al? Oui, je vous écoute. Bon, je vous appelle par rapport au truc qui fait monter le zboum, le Viagra. Oui, c'est. Par contre, moi, j'ai pas cette marque-là, j'ai d'autres marques. C'est quoi la marque? Camagra. D'accord, je vais être dur avec ça, c'est pas de la demeure, hein? Ouais, ça va aller, ouais. Parce que moi, je prends du Viagra, c'est quoi ça, Camagra? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Sur la tête de ta rhum. Et vous voulez ça pour quand, vous? Moi, j'aimerais bien ça, là, pour ce soir ou demain, que je puisse coucher avec ma femme. Ça fait 15 jours que j'ai plus rien, je la touche plus, là. Faut que je la canne, cette biatch. Ouais, pas de problème. Bah, après, par contre, moi, je vends par 10 à 40, 20 à 70 euros. Ça dépend combien vous voulez. C'est quoi tes tarots? Les prix. Je vends, c'est des pilules, je vends en lot. Je fais par 10, je les fais à 50 euros. Les 10. 50 euros les 10? Ouais, 10 pilules, ouais. Fais un prix, frérot. Ouais, après, je peux te faire 40 euros. Mais je peux fais-moi pas faire, un prix, moi. J'ai 80 ans, je prête ton rep. Ah, il a raccroché shotgun, les amis, sur NRJ. J'adore. Le gars vendu, Viagra sous le manteau. On a l'âge d'Elisabeth et puis la belle histoire de la semaine, les amis. Cécile a un truc de ouf à vous raconter. On est là sur NRJ jusqu'à 23h. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. On délire, c'est le Rico Show, vous venez. Le Rico Show. Le Rico Show, c'est votre émission. Alors, passez à l'antenne. Passez à l'antenne. 0870 42 48. Et grâce à Sylvain Radin, l'appel est gratuit. On dit merci qui? Le Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui, les amis, on est là pour kiffer avec vous la semaine prochaine. Là, on aura Ritza. On s'est manqué. Il sera là, tiens, mardi Ritza, et jeudi on aura Kenji. sera en public avec Angie. Ricochetenergie.com pour s'inscrire, les copains. On essaie de deviner l'âge d'Elisabeth pour le Ballon d'Or. Et il y a de tout. Il y a du 57, il y a du 20, il y a du 40, il y a du 70, il y a du 80. Personne n'arrivait à trouver l'âge de Betty. 0870 42 48 pour jouer. Et Betty dit c'est excellent, hein, papy en racaille. Hein. Ouais, moi je dis oui. Écoute, Betty et vous tous qui nous écoutez, dans 20 minutes on terminera par Rico Adi. C'est comme un Jacques Adi. Il y a un copain du Rico Show qui appelle sa mère ou sa sœur et lui fait dire un truc de ouf. Hein. Ouais, vous allez voir, énorme. C'est énorme ce canular et ça arrive dans un quart d'heure. Restez bien avec nous, c'est une régalade totale. Avant de finir sur l'âge d'Elisabeth, pour vous laisser réfléchir le temps de jouer, des places pour Ballon d'Or. On va voir la belle histoire de la semaine, les amis. Cécile est là, elle a fait le 0870 42 48. Ça va, Cécile? Salut Rico, salut toute l'équipe. Salut ma Cécile, il t'est arrivé un truc de fou cette semaine et en fait c'est pour partir avec le sourire ce week-end et se dire qu'on a la chance aussi d'être là. Elle va nous raconter son histoire. Raconte-nous ce qui se passe ma Cécile. Eh ben, j'allais travailler lundi et en fait je me suis endormie sur la route, enfin assoupie, sur une départementale. Ma voiture est montée à 100 km/h à peu près. Sauf que je suis partie en tonneau avec ma voiture. Oh là là. Et quand tu t'es endormie, t'as fait quoi? T'as appuyé sur l'accélérateur ou t'étais en... Je sais pas du tout. Je me suis assoupie et tout. Mon pied est resté sur la pédale d'accélérateur et. Mais il était quelle heure? C'était le matin, il était 8h30, j'allais bosser. Ah ouais, t'étais cuite quoi, t'étais fatiguée. Déjà lundi, t'es fatiguée. T'as dû passer un sacré week-end, Cécile. J'ai passé un sacré week-end, ça valait pas le coup de me planter en voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup, tonneau et tout, et raconte-nous, toi, tu t'es fait mal ou pas du tout? Donc effectivement, ma voiture a fait au total 6 tonneaux. Ouais. Elle s'est arrêtée sur les quatre roues, heureusement, sur le toit. Ah ouais, waouh. Et je suis sortie de la voiture indemne. J'ai pris mon téléphone portable, j'ai appelé ma mère. Putain. Et ma voiture morte et je n'ai rien. Mais quand je vous dis rien, c'est... T'es même pas un bleu. Oh, le miracle. Ah non. C'est quoi ta voiture? Eh ben, improbable, c'était une Renault Mégane. Et ben, c'est très solide, les Renault Mégane. De toute façon, j'ai toujours aimé les Mégane, j'avais une ex terrible. Elle était très solide. Sylvain. Non, mais t'es gratté un jeu, j'espère, après. Parce qu'avec T'as vérifié aussi le téléphone de ton mec. Mon mec, c'est bon, je lui fais 100% confiance. J'ai tenté de jouer à l'Euro Million, mais ça paye pas encore. Il y a plus de chances que tu gagnes à l'Euro Million que tu survives, là, où t'es pas un bleu, là. De ouf cette histoire. Je voulais vous donner le sourire et vous dire aussi de faire attention les amis, surtout, parce qu'on vous aime fort. Prudence au volant, c'est vrai que ce week-end, vous allez sortir, vous allez faire les cons, vous allez essayer d'avoir ça, mais tout. Là, Cécile, elle était 8h le lundi, putain, elle s'est endormie. Et heureusement, tout va bien. C'est la belle histoire quand même de la semaine. Bien sûr. Le fait que tout va bien. Désolé, ça fait un peu phrase de vieux, tu vois. Mais franchement, au pire, tu mets 5 minutes de plus, mais tu roules pas à 100 quand c'est une voiture. Ah, mais je crois que c'était une route à. T'étais plus ou. Ah oui, non, mais dans d'autres cas, tu vois, je dis aux gens, les gars, vous êtes pas pressé, tranquille, mettez 5 minutes de plus, mais c'est pas grave, vous allez arriver entier. Sur un long trajet, quand t'as 5-6 heures que tu bourrines un peu, c'est-à-dire tu dis je maintiens 130, tu cherches à le maintenir à fond, tu gagnes 2-3 minutes par heure. Et à peine, je suis d'accord. Écoute, Cécile, on va te faire un petit cadeau et puis on est content que tu sois parmi nous parce que t'aurais pu démarrer la semaine avec nous et pas la finir. Ce serait dommage. J'ai commencé avec vous et je la finis avec vous. Et tu seras là lundi. Finis-la bien. Ouais. Et il paraît que ce week-end tu vas te reposer, Cécile. Il paraît. T'as tout compris, Rico. Allez, bisous à Cécile. On t'embrasse, bisous, on t'aime fort. Ciao à Cécile. Les amis, l'âge d'Elisabeth. Elisabeth, ça y est, je rappelle qu'elle est née dans cette décennie où est sorti Charles Trenet, les amis. Il y a de la joie. Ah ouais, c'est récent. Bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Elisabeth, il y a de la joie. Il y a de la joie. Elisabeth, les places pour le Ballon d'Or. Dimitri, à ton avis, elle a quel âge, Elisabeth? Salut Rico, salut l'équipe. Salut mon Dimitri. 77 ans. 77 ans, est-ce que t'as 77 ans, Elisabeth? Non. Très bien. Elisabeth, est-ce que t'as des petits-enfants? Non. Non. Est-ce que t'as des enfants? Non. Est-ce que t'as un mari? J'ai eu un mari. D'accord. Est-ce que ce week-end, t'as prévu te faire un petit resto? Oui. Très bien. Tu vas manger quoi comme resto? Non mais c'est pour la faire parler un petit peu, pour que vous deviniez son âge. Tu vas manger quoi comme resto? Tu vas te faire quoi, Elisabeth? Fruits de mer. Fruits de mer. Attention. Toi, tu vas te faire croquer, ma Elisabeth. Sylvain. Est-ce que vous avez ou t'as? Oui, t'as. Oui, t'as. Des chats. Est-ce que t'as des chats? Non. Ah, parce que, excuse-moi, c'est un critère d'âge. Il faut avoir quel âge pour avoir des chats? Cinquantaine d'années. La mère Michel, regarde, elle a quel âge? Désolé, mon Dimitri, je te fais plein de bisous. Ouais, c'est pas grave. Hey, Rico, je peux passer une dédicace? Vas-y, Dimitri, vas-y. Ouais, je vais passer un petit coucou à ED et aux collègues, quoi. Eh ben, écoute, on les embrasse très fort. Bisous, mon Dim, bisous. Plein de bisous. Attends, ouais. Merci à vous. On t'aime, mon Dimi, on t'aime fort. Bisous. Il y a Aurore aussi qui a une idée. Ça va, Aurore? Oui, ça va très bien, merci. Salut, Aurore. À ton avis, Elisabeth, elle a quel âge? Je pense qu'elle a 71 ans. Ah, Elisabeth, 71 ans. Oui. Oh, exact. C'est gagné, Aurore. Oui, génial. Oh, merci. Aurore. Ah, trop bien. Grâce à Elisabeth, tu repars avec tes deux places pour le Ballon d'Or. Tu vas kiffer, Aurore. La cérémonie. Merci, on t'aime fort, Aurore. Aurore, tu viens d'où? Moi aussi, je viens de Saverne, en Alsace. Eh ben, écoute, tu vas kiffer. Tu vas pouvoir voir Mbappé, Griezmann et compagnie, Ronaldo, génial, Messi. Génial. Tu vas kiffer. Le 3 décembre. Ok, Aurore. Super. Wow. Bon. Ah ouais. Bravo. T'as vu, Elisabeth, ce que tu provoques? J'ai vu. 71 ans et toujours d'aplomb, là, Elisabeth. Ah, elle donne de l'émotion. Hein. Ah, elle provoque de l'émotion, Elisabeth. Hein. Je suis content, vraiment. Je suis content, les amis. On se met Kadji. Et puis, on continue de kiffer tous ensemble. Vous êtes bien sur Énergie. Elisabeth, merci d'être passée. Mais merci à toi. On t'aime très fort, en tout cas, franchement. Merci d'être là. Rico, oui, je peux faire une dédicace? Vas-y, Elisabeth, vas-y. Ben, je voudrais simplement faire un petit coucou à Betty, qui fait partie de la team des mamies. Eh ben, écoute, on embrasse toutes les mamies qui nous écoutent. Je vais vous dire qu'on vous aime très fort et heureusement que vous êtes là pour nous et merci de nous écouter. Merci les mamies. On t'embrasse, Elisabeth. Merci, moi aussi. Bon week-end. Bon week-end, ma Elisabeth d'amour que j'aime. Et profite, ma Aurore, ok? Ouais, merci beaucoup, merci. Allez, on va se faire un gros délire là. C'est le Rico Adi sur Énergie. Kenji, les amis, je le gratte de la guitare ce soir. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. De toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bons bricoleurs. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Tiago, Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Tiago, allez, on va se faire le canuit. Le Rico Show débarque. De 20h à 23h. sur Énergie. Avant de récupérer dans 30 secondes Aurélien qui va piéger sa sœur, c'est le Rico a dit, hein. Il doit répéter tout ce que je lui dis à sa sœur, il ne connaît pas le scénario à l'avance. Généralement, ça crée des histoires de dingue. Il y a Nicolas qui veut nous parler avant de partir en week-end, c'est l'insomnie de la semaine, il ne dort pas. Oh du tout, il est en angoisse. Nicolas, qu'est-ce qui t'arrive, mon Nico, qui a fait le 0800 70 42 48 ? Il habite le Var. Ça va, Nico ? Ça va, super. Salut, Rico. Salut. Qu'est-ce qui se passe, Nico ? Eh ben, en gros, je suis en couple avec ma meuf depuis un mois. Et le problème, c'est que c'est son anniversaire le 20 décembre. Le 5 décembre, le 25 décembre, c'est aussi Noël. Et je sais pas si tu passes un cadeau, un gros cadeau, un petit cadeau. Là, je suis perdu et j'en dors pas. Oh là là, l'angoisse. C'est vrai, parce que quand t'es avec une meuf depuis un mois, voilà, en plus, ça va faire un mois et demi pour son anniv, deux mois quasiment pour Noël. Il y a les cadeaux qui arrivent. On va en parler. Est-ce qu'il faut les faire, faut pas les faire? Comment ça se passe? On va en discuter. C'est vrai que c'est toujours le truc. Moi, avant de me mettre avec une meuf, je lui demande quand est-ce que c'est son anniversaire. Non, parce que tu sais jamais. C'est pas ça. Moi, j'aime bien faire un cadeau. Mais au bout d'un mois, tu sais pas si tu dois mettre la dose, si tu dois la mettre ou pas, si tu dois faire un cadeau bien ou pas. On va en parler, les amis. Je sais que ça a fait débat. Ouais. On va récupérer Aurélien. Nico, tu bouges pas. Si vous avez des idées pour lui, 0800 70 42 48, on va en parler. Aurélien, ça va, mon poulet ? Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Et toi, ça roule ? Alors, Aurélien, tu vas piéger ta sœur. Cédrico a dit, tu l'appelles et puis il suffit de répéter un petit peu tout ce que je dis pour créer une histoire. T'habites où, Aurélien ? Dans le 76. Ça se passe bien du côté du Havre ? Bah écoute, les gilets jaunes sont là, hein, tous là. Je fais des grandes dédicaces à ceux qui sont du côté de Gravenchon, Lisbonne, à mon équipe CWM, à Sylvain qui m'écoute, à toutes les personnes qui m'écoutent. Je t'écoute. Ah bah écoute, on embrasse tout le monde. Est-ce que t'es prêt, Aurélien, à piéger ta frangine? Je suis prêt. Ok, on va y aller. Il y a un très beau cadeau à la clé. On se fait un spot d'une minute, pas plus, les amis. C'est promis, une minute. Et puis, on démarre l'appel. On revient dans une minute, vous bougez pas. Passez vos soirées de week-end avec la plus belle team DJ. La team DJ Energy. DJ Tiesto, Martin Garrix, Armin van Buuren, Sander Van Doorn, Hardwell, Dimitri Vegas et Like Mike, Afrojack, Sam Feld, Morgan Nagoya, Jay Sai, Oriska, Alex Watt. Get ready for the weekend. Ils sont tous résidents en exclusivité dans Energy Extravagance. Ce soir, 1h. Demain, 21h. Dimanche, minuit. On a bien bossé ce trimestre. Oh, tu m'étonnes, on a tout donné. On l'a bien mérité, notre pack PlayStation 4 et le jeu Marvel's Spider-Man. Ouais, mais attention au budget. Je sais, et c'est pour ça qu'on va aller chez Leclerc. Leclerc ? Chez Leclerc, tu as 50 euros de remise immédiate et une deuxième manette offerte. Non ! Offre valable du 23 au 26 novembre pour l'achat d'un pack PlayStation 4 1 Tera Marvel Spider-Man. Bénéficiez de 50 euros de remise immédiate plus une deuxième manette offerte. Soit l'ensemble à 299 euros au lieu de 408,90 euros. Voir modalité sur www.culture.leclerc. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben personne. Ah si, si si, eux ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, on termine cette semaine en beauté avec le Rico Adi. Puis on aidera Nico là, qui est en angoisse, en couple depuis un mois avec une meuf. Problème, c'est son anniv et Noël là, qui arrive, il sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il met le paquet ou pas, ça fait débat, hein. Ils se sont écharpés durant le spot là. On va en parler. Aurélien, c'est parti, on piège ta sœur. C'est le Rico Adi, t'as qu'à répéter ce que je te dis. Ok mon Aurél. C'est parti, on y va. On appelle donc ta frangine. C'est parti. Bonjour. Allez, sois bon. Elle m'entend pas, elle croit. Allô pas. Allô. Ouais. Ouais, t'es avec moi. On a essayé de te joindre à chaque fois, tu réponds pas. Hein. Calme-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux t'asseoir et calmer? De quoi? Il faut que je te. Il faut... Voilà, je vais quitter ma femme. Allô et mes enfants. Bah, je vais quitter ma femme. Arrête. Si, c'est sérieux. Bah, pourquoi? Oui, c'est sérieux. Je veux changer de vie. Bah, pourquoi? Bah, parce que je veux changer de vie, tout simplement. Pourquoi tu veux changer de vie? Parce que j'ai rencontré une nouvelle femme. Bah j'ai rencontré une nouvelle femme quoi. T'as rencontré quelqu'un d'autre? Ouais. Une belle américaine. Oh punaise. Belle américaine. Une belle américaine, arrête tes conneries. Partir vivre avec elle aux États-Unis. Mais fais-moi une farce. Non c'est sérieux. Non je te le dis. Mais sérieusement. Je suis fou d'elle. Je suis amoureux quoi. Voilà ça c'est. Bah ouais et les enfants? Bah je comptais te les laisser à toi et maman. Et les enfants? Je comptais les laisser à toi et maman quoi. Comptez laisser les enfants à moi et maman? Oui. Bah oui. Mais c'est pas bien ou quoi? Bah si. N'importe. Bah arrête de raconter des conneries, ouais, tu vas laisser tomber les enfants? Bah ouais. Bah n'importe quoi, bah non. Hein. Elle a une opération à faire au niveau J'ai pas compris. La poitrine et du fessier. Elle a une opération à faire au niveau de la poitrine et du fessier. Et alors ? Du coup, je l'accompagne. Bah, et alors ? Je l'accompagne. Tu l'accompagnes où ? Bah, elle est dans une démarche de changement de sexe. Bah, elle est dans une démarche de changement de sexe. Mais arrête tes conneries. Non, c'est sérieux. Et je vais être là pour elle. Franchement, c'est sérieux. Bah, tu vas pas laisser tes enfants quand même. Ah si, si, je vais être là pour ma nouvelle femme. Ah si, si, je vais être là pour ma nouvelle femme, ça c'est clair. Avant c'était un homme, là oui, elle a besoin de moi. Ok, ça, pas de soucis. Avant c'était un homme, et puis maintenant, voilà quoi. Ouais, bah ça, y a pas de soucis. Mais je veux dire tes enfants. Je te les laisse. C'est tes enfants, hein. Je te les laisse. Attends, elle en veut pas. Écoute, il y a ma femme qui est là, je vais... Et toi, tu t'annonces ça comme ça, alors que t'es venu dimanche et t'as rien dit. Bah non. Et t'en as parlé à Karine ? Allô ? T'en as parlé à Karine ? Allô, madame ? Aurèle ? Allô ? Bah écoute, il y a quelqu'un. Ouais, mais non, mais ouais, moi je m'en fous. Allô, du quelqu'un là, Il faut que je vous parle, il faut que je vous parle vraiment. Allô ? Écoutez, je sais que ça peut vous paraître un peu brut, mais on a vraiment besoin de vous laisser les enfants. J'ai besoin qu'ils m'accompagnent dans cette démarche, on a besoin d'être entre nous. Non, mais il est hors de question, de toute façon, il va pas... Écoutez, c'est moi qui commande maintenant. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas à gérer... Vous n'avez certainement pas à gérer la vie des enfants. Bien de, sûr que de je vais gérer frère. Toute sa vie à partir de maintenant, d'accord. Donc, oui, et vous allez vous sûr. Taire, je vous le dis, je vous le dis. Vous comme ouais. votre mère, vous comme votre mère. Je ne veux plus qu'il soit en contact avec vous, oui, ni sa famille, oui, ni ses enfants. Oui, oui, oui, bien sûr. Ah ben bon, oui, vous pouvez rire comme une hyène, oui. hein. Ça, ce n'est bah, pas oui, un souci. Bah, oui, ça c'est clair. Par contre, vous vous baisez peut-être comme une hyène, non. Non, madame. Ah, bah, quelle vulgarité. Quelle je vulgarité. Sais pas. Bah, je sais pas. Je Il sais m'avait pas. Dit que sa sœur était vulgaire, mais à ce point. Oui, Bah oui. Dans tous les cas, repassez-moi mon frère. Non, il en est hors de question. À partir de maintenant, vous traitez avec moi directement. Oui. Allez, salut. Ouais, c'est ça, oui. Oh la voix de Sarah. Ouais, c'est la même. Hein. Eh Aurèle, bravo poulet, on va débrancher ta frangine. Hein. On va la débrancher. Bravo Aurèle, tu remportes un très beau cadeau. Merci à vous l'équipe. Une dédicace à toutes et puis continuez comme ça, vous assurez. On t'aime Aurèle. Merci. Raccroche pas, on va aider Nico là qui est une angoisse. Your neon skirt bands are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. C'est un vrai kiff d'être là. Franchement, on se régale. Ouais. On a passé une semaine de ouf. On démarre une nouvelle semaine avec Kenji. Jeudi, il sera là. C'est ça, jeudi, Kenji, hein, ouais, les amis. Ouais. Hein, vous avez bien noté, Ritz Abardi. Mais on va aider Nico. Nico, il a une angoisse là. Il n'a pas dormi de la semaine. C'est l'insomnie de la semaine, les amis. Notre Nico est en couple depuis un mois. L'anniversaire de sa meuf arrive, ouais. Mais aussi Noël. Donc il ne sait pas trop quoi faire. Hein, mon Nico, t'es en angoisse, hein. Ah ouais, je suis en angoisse 2000. En plus, le truc, c'est que je connais pas encore assez ses goûts. Et moi, quand je fais des cadeaux, d'habitude, c'est genre des petits week-ends et tout. Et j'ai pas envie de passer pour un ouf si je l'invite direct en week-end, tu vois. Ouais, en même temps, ah ouais, ça je connais. Je veux pas trop en faire voir. En fait, tu veux faire le vacre d'entrée, frérot. Non, mais je comprends. Non, mais c'est vrai. Mais ça, c'est une angoisse que la meuf, tu sais pas si ça va durer. Tu la connais pas assez. En même temps, tu l'as pas assez vue parce que les semaines s'enchaînent, tu bosses et tout. Et c'est quoi? C'est 4, 5 rendez-vous, 7 rendez-vous peut-être au début sur un mois. Et est-ce qu'il faut mettre tout de suite la gomme au niveau cadeau? Mais alors, c'est pas un investissement, une meuf. Toi, en fait, t'en parles comme un appart. Tu sais pas si ça va durer. C'est tu pas lui offres ça. Un beau cadeau, sinon tu passes pour un vacreux. Elle ne va plus te rappeler. Mais non, c'est pas ça. Il faut peut-être pas tout de suite envoyer un gros cadeau. Tu vas la gêner. Puis voilà, tout le monde n'est pas vénal comme toi. C'est ça, Rico. Tu sais à qui t'as affaire là. C'est Sarah qui adore les cadeaux, qui adore qu'on la reste. Là, je suis désolé, mais au bout de mois. Non, mais studio. D'ailleurs, là, elle est sèche. Elle va se faire. Au bout de mois, franchement, gros, offre-lui un truc parce que sinon tu vas passer pour un crevard. Je suis d'accord. Mais on voit pas 500 euros dans un sac ou je sais pas combien. Ah oui. Tu prends un truc entre 30 et 50 euros et ça sera déjà très bien. Bien sûr. Moi, je serais toi, tu fais un resto pour la Nive et à Noël une attention. Oh, voilà, c'est ce que j'aurais fait. Mais voilà. Les crevards, elle ne va. Écoute-moi, je suis une femme, d'accord. J'ai de la bouteille. J'ai de la bouteille, d'accord. J'ai 32 ans, j'ai eu ma cote. Je t'en supplie, fais-lui un cadeau en bonne et due forme. Genre un beau collier, une belle attention, même pour Noël. Sinon, elle ne va pas te rappeler. Les filles, 0800 70 42 48. On a besoin d'une fille pour savoir si la réaction de Sarah. J'ai l'impression que me dis pas que toutes les filles sont comme ça à vouloir mettre la gomme. Moi j'arrête. Non, franchement, il y a Damien qui veut réagir, qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, dame? Ouais, salut l'équipe, ça va? Salut mon poulet. Damien, qu'est-ce que tu conseilles, toi, Nicolas? Alors, moi je conseille pareil, je suis un peu comme toi, je voudrais pas en faire trop non plus. Bah oui. Voilà, soit comme tu dis, un petit resto avant et puis un petit truc sympa. Mais c'est clair qu'il ne faut pas faire trop d'entrée, quoi. Je suis d'accord. Et Damien, dis-moi si t'es d'accord. Après, si tu fais trop, ça peut biaiser vos rapports. Parce que la nana, elle dit ouais, le cadeau, il est trop beau. Donc, du coup, finalement, même si elle n'est pas à fond avec toi, elle sera peut-être moins sincère. Elle aura l'impression de devoir rester avec toi parce que tu l'as rincé. Ça va biaiser vos rapports. T'es pas d'accord, mon dame? Ouais, moi je suis d'accord, franchement je suis d'accord. Moi j'irai crescendo, doucement, il va y avoir d'autres occasions, il y a la Saint-Valentin au mois de février. Si tu veux mettre la gomme, mets la gomme sur la Saint-Valentin et vas-y tout doucement là, moi je suis comme ça. Saint-Valentin, fête commerciale ringarde. Oh là, c'est pas je suis d'accord. T'es d'accord, mon dame? Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est commercial, mais bon après c'est bien de faire une petite attention, voilà. C'est normal. Si tu veux faire l'attention, tu te saisis l'occasion qu'il y a là pour lui en faire une, c'est tout. Mais un anniversaire, on n'en a qu'un par an, c'est pas la Saint-Valentin, c'est à l'anniversaire qu'il faut qu'il mise. Mais non. Non, rien à voir, il y a une hiérarchie des okay, trucs. Ok, donc tu verras quand elle sera avec ses copines, il t'a offert quoi alors? Oh bah un resto, oh là là ma pauvre. Tu verras, je te le dis. On va pas en faire contre 6000 quoi. Ouais, je suis d'accord, j'y aime. Non mais franchement, en plus si tu lui offres un trop beau cadeau, je suis désolé, mais tu risques de lui faire peur à la meuf. Moi, imagine, je suis d'accord. T'offres un truc super cher, elle va se dire mais putain il est complètement ouf, il a cru que j'étais la femme de sa vie. Sylvain. Moi ce que je te dis pour Noël, offre-lui tes boules. Non. Ouais, voilà. C'est mieux. Oh là là. Ah ouais, tire le feu d'artifice. Oh là là, mais il est con. Ne laissez pas toi. Pour Noël, offre-lui tes boules. Mais dans quel monde on vit? Je te jure, j'en peux plus. Eh, la semaine, elle peut pas finir sur pour Noël. Non, sur ça. Offre-lui tes boules, non, Nico. Une autre vanne. Nico, non, on peut pas. Faut une autre vanne. Nico, t'en penses quoi là de ce qu'il dit? Eh ben, écoute, moi, je pense que je vais lui faire quand même un pseudo beau cadeau pour son anniv et à Noël. En fait, je vais faire un cadeau qui allie Noël et son anniversaire. Ouais. Genre, à Noël, pour son anniversaire, je lui offre une box et je pars avec elle pour Noël. Ah, ouais. Parfait. C'est pas mal ça. Ça, c'est le 2 en 1, on l'appelle le Dash. Attends, il y a Bélissa qui veut réagir. Elle a fait 0800 70 42 48. Ça va, Béli? Ouais, ça va, merci, tranquille, et vous? Bah écoute, impeccable. Mélissa, qu'est-ce que tu conseilles, toi, Nico du Var, qui dit qui voilà, un mois de couple, l'anniversaire de sa meuf arrive très vite, puis Noël, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il doit absolument acheter un cadeau, il faut pas qu'il achète un truc à 30 euros tout pourri. Merci, Mélissa, merci. Eh, c'est la cousine de Sarah. Non, pas du tout. Ouais, c'est Mélissa Dubled, après Sarah Dubled. N'importe quoi. Ouais, je suis Mélissa Dubled. Je te kiffe, Mélie. Non, mais Mélissa, c'est vrai, il doit mettre la gomme. mais il doit mettre la gomme. Après, il va pas acheter non plus un cadeau à 1000 euros. Gomme, mais oui. Il doit quand même lui faire une petite attention pour il le. Il doit marquer, ouais, pour dire. Noël. Voilà. Ouais, pour dire, Georges, tiens, quoi. Janvier, c'est la merde, c'est toujours la même histoire. En fait. Après, moi, j'ai l'idée. Moi, je pense que t'offres un cadeau sur l'anniversaire, puis tu verras à Noël où t'en es. Oui. Si la nana, elle essaie de te rendre un peu l'appareil sur le Noël, ça veut dire que voilà, c'est sincère. Piano, piano. Non, mais dans tous les cas, il doit aller au resto avec elle, il a que faire un ciné, et après, il lui offre un petit cadeau. Voilà. Oh là là. Exactement. Mais les gars, vous nous coûtez. C'est quoi cette histoire? J'ai pris d'une révision. Mais c'est une princesse. Quand t'es étudiant. En plus, c'est la Black Friday. Alors, autant que. C'est la Black Friday, je la kiffe, Mélissa. Eh, Mélissa, t'es une bombe. En tout cas, on va te faire un petit cadeau. Merci d'être passée, Mélissa. Merci, c'est gentil. En c'est la Black Card, toi. Ouais. Ça fait plaisir de vous entendre tous les soirs parce que c'est dur, quoi, la nuit, de travailler. Eh ben, on t'aime, Mélissa, on te lâche pas, d'accord? Ok. C'est gentil. Je te fais plein de bisous, on te fait un petit cadeau. Merci, Mélissa, d'être venue. Merci, Damien, d'être passé. On t'embrasse, Damien. Ouais, ça marche, merci. Et puis, c'est toujours cool de vous rendre service. Hein. Ah, bah, tu viens quand tu veux, Damien, on a besoin, t'as vu. Mais apparemment, il y a un problème entre les mecs et les meufs. Pour l'instant, on n'est pas d'accord. Ouais. Mec Power, on est là. Ouais, c'est ça, ouais. Dame, je te kiffe. Je te kiffe, mon frérot. Je te kiffe. C'est vrai qu'il y a le boy power. Nico, t'as deux écoles. Ouais. T'as l'école des mecs qui te disent voilà, vas-y, crescendo doucement. Il y a d'autres occasions. Et puis, mets pas la gomme tout de suite. Fais quand même un kiff, une petite attention sympa. Moi, j'irais plus vers un truc qui lui fait plaisir, tu vois. Je sais pas si elle kiffe les bouquins, un bouquin qu'elle kiffe, tu vois. Oh, le crevard. Le magazine public. Avec la carte Fnac, tu vois. Un petit CD. Non, mais je veux dire, je sais pas si elle kiffe une petite attention. Elle aime les Swarovski, par exemple. Ben, t'achètes un petit truc en Swarovski pour dire. Beau cadeau, arrête, oui, mais tu peux avoir des petits trucs, non? Tu peux avoir des petits trucs. T'achètes juste le pendentif. Voilà. Et après, à Noël, tu offres le genre le collier. Voilà. Moi, je ferai un cadeau à 50 balles pour la Nive. Je ferai un petit resto. Moi, je ferai un resto. Sans cadeau à la fin. Non. La nana va attendre tout le resto. Mais un beau resto, genre un gastro sur la fourchette. Non, mais un truc, les filles, vous êtes des ouf ou quoi? En plus, si t'es étudiant, tu fais comment pour faire le cadeau? Puis ça fait un mois qu'il est avec la meuf. Pas straqué, vous êtes des ouf ou quoi? Moi, c'est bien, c'est 4 semaines, on en vit des choses. Oh là là. Ouais. Il y a eu Black Friday, lui il a la Niv, le Noël, ouais. Et puis il a ses proches, c'est-à-dire qu'il laisse sa mère sur le carreau pour une meuf de un mois. Non. Excuse-moi, moi je préfère gâter un peu ma mère et faire un petit truc à ma meuf, lui dire voilà, t'es importante, mais on va y aller tranquillo. Voilà. Bah, je suis d'accord sur ça, par contre, astuce pour le Noël, il est pas obligé, ça fait qu'un mois, il le fait en famille, elle de son côté, comme ça il mise pour la Niv. Tu veux pas être la mère Noël cette année? Et ça y est, ça commence le premier. Hein. Salut Sarah. Ouais, c'est une belle dame. T'as vu, ça fait débat cette histoire de cadeau. Ouais. Nico, je te fais plein de bisous, tu prends la décision que tu veux. C'est quoi ta décision à ton avis? Qu'est-ce que tu fais? T'écoutes les filles, tu mets la gomme ou les mecs ils disent tranquille? Eh ben écoute, je vais faire un petit resto comme t'as dit. Je garde un petit cadeau au cas où si je la vois dégoûtée, je lui donne. Et si elle est, et si on veut pas, ben je lui donne pour Noël. Bonne idée. Ah bah écoute, bien joué la dash quoi. T'as raison. Écoute Nico, je t'embrasse mon petit poulet. Nous on va te faire un petit cadeau, ça c'est pas perdu. Salut mon Nico. Bisous. Merci. Bisous. Voilà. Merci d'être passé les amis. On s'est régalé. Ah franchement, on a fait une super émission tous ensemble. Vous faites attention ce week-end, beaucoup de prudence. Faites gaffe de pas boire au volant. On vous veut lundi avec nous. C'est un petit peu chiant de le dire, mais voilà, faites gaffe les amis ce soir si vous sortez et tout. Vous faites attention à vous, on vous aime très fort. Je vous l'ai dit, Ritza. On s'est manqué, mardi, Kenji, jeudi. Et puis dès lundi, nouveau kiff. Soyez bien là à partir de 20h. Et n'oubliez pas l'important dans la vie. C'est faire ce qu'on aime. Je vous aime très fort. C'est Mickaël qui prend le relais là. Ah, comment ça va? Ça va? T'es en forme? Bah oui, écoute, très bien. Dernière de la semaine, là, écoute. Nickel, 2 heures qui vont passer crème là. Ah bah non, mais le vendredi c'est la misère, hein. Ça part deux heures là. On dit bonjour, on dit au revoir. Papam, ça y est, bah au revoir. C'est vrai, les gars. Ah ouais, ça passe, ça filoche. Les 2 heures. Ah ouais, ouais, ça va super vite. Dans un mois, c'est Noël, les amis. Putain, déjà, ouais, t'imagines. Tu sais que lundi, là, j'ai calculé, on sera. Attends, non, pas lundi, mais vendredi pro, on est encore. Ouais, c'est le 30, c'est le dernier jour de. Putain, ça fonce, hein. T'imagines le décembre. Et ouais, le pire moment pour Sylvain, il va falloir acheter des cadeaux. Oh bah écoute, souvent je de religion moi. il est con, non mais tu sais que c'est une fête. Chaque fête. Ah, il est con celui-là, il est con, ouais, c'est vrai. Et après il devient musulman et quand c'est laïd, il fuit, tu vois. Voilà. Il est terrible celui-là, je te jure. Bon, putain. Bon week-end en tout cas. Bah écoute, on kiffe, on vous écoute l'équipe. Ben j'espère bien. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Allez hop, Calvin Harris pour démarrer. 01 40 71 5000. Vous nous appelez, puis on est là jusqu'à une heure. Tranquille quoi. Are you drunk or no? Now I judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You are dying tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Soyez bienvenus, les amis, si vous venez d'arriver 23h06, on est en direct tous les soirs et le vendredi jusqu'à 1h, alors on en profite deux fois plus. Ils sont de retour. Ils sont de retour. Ils t'ont manqué. Ah non, mais j'ai dit. Ils t'ont manqué. Non. Ils sont là. Ils sont là. Là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. De retour des USA. Pour de nouvelles aventures. On est en novembre. Le froid est de retour. Il s'installe pour un moment. Mais prends le temps de penser et de rêver. Mickaël, Tof, Polo et Amina sont de retour du Miami. La chaleur, la plage, le soleil. C'est terminé. C'est terminé. Rappelons-nous du passé. Après avoir fait un long voyage, ils sont là. Pour toi. Pour toi. Mickaël a bronzé à la plage. Tof a passé son temps en sandales romaines. Polo s'est fait expulser. Amina a encore raté son avion. Et deux fois de suite. Ils se sont battus. Avec des animaux étranges. Venus envahir leur maison. Toutes ces épreuves leur ont permis de se remettre en question. Ils ont découvert qui ils étaient. Tof a lutté à mort avec une blatte. Polo a roulé à fond dans les rues de Miami. Amina a fait le mur pour faire la fête. Des aventures et encore des histoires. À croire qu'ils le font exprès. Ça va durer encore longtemps ? Non. Seul l'avenir nous le dira. Mickaël sur Énergie. Dès 23h. Du lundi au vendredi. Et sur Facebook, Twitter et Insta. Et Mickaël officiel. Bon ben ça y est, on est là en direct hein, tous les soirs. 01 40 71 5000, soyez les bienvenus. J'espère que vous avez passé tous une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Comment va on va commencer par Amina, sinon après elle va encore tirer la gueule. Oui, mais pas du tout. Moi, bonsoir. Comment ça va? Eh ben ça va très elle très bien. Elle est sapée comme Jaja. Évidemment, non. Black Friday ma gueule. Évidemment, ça va. Nouveau bonnet, nouvelle chaussure. Non, les chaussures c'est pas nouvelle, mais les chaussures c'est vrai. Et le bonnet aussi, et les chars. C'est ça, c'est ça. Et donc Amina a fait la meilleure affaire du monde, hein, puisque j'imagine qu'elle a acheté ça dans une boutique où, je sais pas moi, la robe était à 50 balles, hier ils ont mis à 70, aujourd'hui c'est wouhou Black Friday, 50 balles. N'importe quoi, pas du tout. Et Amina ressort du magasin et dit waouh, j'ai fait l'affaire du siècle. Bah, en fait, il n'y a pas que moi, c'est-à-dire que la terre entière était dans les magasins aujourd'hui. Ouais, c'est hein, donc, vrai. Bah oui, mais je hein. sais, mais bon, après, cela dit, c'est un peu le principe hein, des soldes et tout le bordel en général. C'est quand même une grande première en France. Hein. C'est la première fois qu'on fait un aussi gros Black Friday. Hein. C'est qu'aux États-Unis, Black Friday d'habitude. Il y a un peu, mais en ligne, et puis c'était des trucs un peu nazes à l'époque. Mais là, cette année, on a fait un vrai Black Friday, quoi. C'est des suceurs d'Américains pour rien. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que la vraie histoire de Black Friday, c'est que à la base, c'est pour faire des écoffes, c'est pour Thanksgiving. Sauf non, que oui, c'est des promos, mais il n'y a pas Thanksgiving. La vraie histoire, c'est pas ça. Ouais, la vraie histoire, c'est les esclaves. C'est un peu plus que ça, mais oui, oui. Oui, mais bon. Non, mais tu veux remonter, tu veux parler d'histoire, on va parler d'histoire. C'est ça que tu veux. Oh là là. C'est ça que tu veux, tu veux qu'on parle d'histoire. Étalez votre science. Jusque-là, la table est grande, Polo, allez-y. C'est ma bite, ce n'est pas de la.